Dans cet épisode, nous nous apprêtons à vous parler de Slumdog Millionaire de Danny Boyle. Ce film est réponse A, le détenteur de 8 Oscars. Réponse B, l'adaptation d'un roman. Réponse C, un flop monumental en Inde. Ou réponse D, un parfait exemple de néocolonialisme. Cette semaine, Bollywood sera versus... Jamal Malik, entraîneur, Salim. Employé dans un centre d'appel de Mumbai, porteur de thé. Pour la somme de 20 millions de roupies. Vous deviez nous dire qui était le troisième mousquetaire dans le roman d'Alexandre Dumas. Vous avez répondu A. Aramis. Eh bien, il faut que je vous dise une chose. Votre réponse est exacte. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices et bonjour Mélanie. Coucou Julie, bonjour tout le monde. Alors, dans cet épisode, je dois dire un autre bonjour aujourd'hui et on est ravis de pouvoir le dire. Bonjour Victoire. Coucou Victoire. Salut les filles. On est super contente que tu sois enfin avec nous parce qu'on t'a vu passer dans plein d'autres podcasts que l'on suit. Alors, je ne suis pas une stalkeuse, mais il s'avère que tu arrives dans tous les podcasts que j'écoute. Donc, ça y est. Bah écoute, c'est qu'on a toutes très bon goût, alors potentiellement. Exactement. Bah écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais merci pour l'invitation. Bah, avec pour plaisir. Parler avec nous de Slumdog Millionnaire. Alors pour revenir un petit peu à la jeunesse de tout ça, déjà, Victoire, on va te laisser te présenter. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quelle est ta spécialité? Alors moi j'anime un podcast sur les adaptations de livres en film ou en série qui s'appelle Adapte-moi si tu peux. Donc je suis de base, je dirais une grosse lectrice et j'aime bien, comme beaucoup de gens, regarder les adaptations de mes romans préférés pour voir ce que ça donne. Et sinon je vis à Paris mais je suis de Lille de base. Ok. Et du coup, en termes de cinéma indien, dis-nous tout. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de... Pas de shaming, c'est pas grave, on sait que le cinéma indien c'est un cinéma de niche. Toi, quel est ton rapport au cinéma indien? Est-ce que tu connais? Pas du tout? Est-ce que t'as des préjugés dessus? Bah vraiment, ma culture elle est de zéro, mais c'est-à-dire que c'est un néant total sur ma culture du cinéma indien, à part le côté des chorégraphies qui est assez connu, le côté où c'est assez... Enfin, de ce que j'ai cru comprendre, c'est assez, un cinéma assez musical avec des grandes danses, etc. Mais si tu veux, le plus proche où je me suis rapprochée d'une scène de Bollywood, c'est la scène de Prince Ali dans le nouveau film Aladdin live action, tu vois. Donc autant te dire que c'est vraiment très éloigné. Ah oui, c'est du niveau okay. des Bollywood de Danse avec les stars. Oui. Désolée, je vais apprendre beaucoup de choses grâce à vous, je pense. Non mais il n'y a pas de souci, hein, je l'ai dit, on sait très bien que c'est un cinéma de niche. Et du coup, est-ce que tu pensais que Slumdog Millionaire était un film indien avant de regarder un peu de plus près? Non, je crois que je savais que c'était un film anglo-saxon. Ça, il me semble que je le savais. C'était pas une découverte pour le coup. Ok, bon bah ça va déjà, tu partais pas de si loin que ça, parce que ça arrive hein, quand même qu'on puisse se dire, tu demandes un film indien, les gens te disent bah Slumdog Millionnaire, tu fais non. Oui, ça se passe en Inde mais ce n'est pas indien, non ça j'avais bien capté. Bah en plus de toute façon c'est un film anglophone et tout le monde parle anglais dans ce film, donc voilà, c'est un bon indice. Alors pour revenir à la pour revenir à la jeunesse de cet épisode, alors toi ta spécialité effectivement c'est de faire des comparatifs livres et adaptations en film ou en série. Nous pour cet épisode à la base, ça remonte au fait que comme je suis votre podcast depuis longtemps, un jour t'avais fait une story avec justement le bouquin et je t'ai dit chouette, un jour Adapte-moi si tu peux va faire un épisode sur Slumdog. Et puis le temps a passé, je sais pas ça fait combien de temps que le livre est dans ta palle. Au final, je me fais shamer en 5 minutes. Quoi. Oui, pour être honnête, je pense que ça fait peut-être 2-3 ans qu'il est dans ma palle. Ouais. Et qu'il n'en était pas sorti avant il y a quelques semaines. Alors, donc, j'avoue. C'est pas moi qui vais te critiquer, Victoire, parce que moi, j'ai parfois acheté des livres depuis genre 5 ou 6 ans. Ils sont toujours dans ma palle et ils attendent d'être lus. Donc vraiment, je peux pas te shamer là-dessus. Je te comprends tellement. Bah, et puis ça dépend tellement du mood, enfin je sais pas, moi des fois j'ai pas du tout envie de lire tel genre de truc, mais là en vrai Je pense que j'avais des... On en reparlera sûrement, mais je pense que j'avais des a priori sur cette lecture. Et en fait, ça a été une très bonne surprise. Ah. Alors du coup, donc effectivement, j'avais vu que tu avais fait cette story, et puis le destin est venu frapper à notre porte du côté de chez Mélanie. Tout à fait, puisque moi, je suis une adepte d'acheter des livres d'occasion. Moi aussi. Moi aussi, j'achète quasiment que d'occasion. Moi aussi, genre, je suis une adepte des boîtes à livres ou des brocantes, des ressourceries. Et je crois que c'est au mois de septembre. Voilà. Emmaüs, la vie. Au mois de septembre, je suis allée faire un tour dans une ressourcerie. À la base, je voulais acheter un coffre. Et bah, je suis tombée là-dessus. Donc, vous ne pouvez pas le voir, vous, puisque c'est un podcast, mais je le montre à Victoire à la caméra. Ma magnifique édition de Slumdog Millionnaire. Ah ouais, c'est... La couve est particulière. Oui, tu sais, ouais. C'est avec ce bandeau qui ne peut pas. Ils ont mis une ce grosse bandeau bande. Qui ne peut pas s'enlever, peut pas qui s'enlever. Est imprimé sur la couverture, qui est très laid. Ah, je déteste ça. Mais en ça. Même temps, je l'ai payé 1,50€. Du coup. J'entends. Tiens, moi, je te montre le mien, du coup. Moi, j'ai la même. Eh ben, moi, j'ai le même et je suis c'est très triste mieux. Parce que je trouve ces deux couvertures extrêmement laides, alors qu'en version poche, j'ai les autres romans de Vikas Suaru, puisque du coup, voilà, c'est un auteur que je connais bien, et qui ont des couvertures qui sont magnifiques, et celle-là, je la trouve très laide. Enfin, bref. Bah, c'est très cliché pour le coup, c'est vraiment le côté, c'est très bariolé, jaune-rouge, avec des symboles indiens et un éléphant. Ah, ça fait devanture de resto, on peut le dire, ouais. Ça, oui, exactement, en fait. Ça fait vraiment très, très cliché. Surtout qu'en plus, j'ai vu que... Donc là, en français, le titre du roman Slumdog Millionnaire, c'est « Les fabuleuses aventures d'un indien malchanceux qui devint milliardaire ». Mais le titre VO, ce n'est pas du tout ça. Le titre VO, c'est Q&A, soit « Questions et answers », enfin, donc « Questions et réponses ». Et je me suis dit, mais encore une fois, les éditeurs français se sont tapés un énorme délire et nous ont pondu un titre à rallonge. Et c'est du coup ça participe aussi à rendre de base l'objet livre assez assez cliché, alors qu'en fait moi encore une fois j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, donc c'est dommage. Et bien justement, puisqu'on parle d'une adaptation, est-ce que vous aviez déjà lu le livre avant, est-ce que vous aviez déjà vu le film avant de faire cet épisode, quels souvenirs vous en aviez gardé si jamais vous aviez déjà lu ou vu le film? Et par lequel avez-vous commencé pour faire cet épisode? Ah, Victoire, vas-y. Je t'en prie. Alors, moi, j'avais vu le film au cinéma à sa sortie, donc il y a en 2009, il me semble, qui était au cinéma en France. Et en fait, je ne l'avais pas revu depuis. Et à l'époque, moi, j'étais quelqu'un de très impressionnable. Donc, j'avais, je ne sais pas, 14-15 ans. Et en fait, il y avait quelques scènes du film qui m'avaient légèrement traumatisée. Notamment la scène déjà dès le début où il saute dans le caca. Moi, c'est quelque chose qui personnellement est quelque chose de très difficile à supporter pour moi, je vais pas m'étendre là-dessus. Et la scène où les enfants se font mutiler pour devenir des mendiants. Et en fait, finalement, à part ça, et je me souvenais aussi de la toute dernière question du film qui portait sur les trois mousquetaires, mais j'avais pas tant de souvenirs du film que ça. Je me souvenais juste que du coup, voilà, il m'avait fait peur par moments, enfin, il m'avait un peu bousculé. Et donc je ne l'avais pas revu et j'ai découvert par contre le roman pour cet enregistrement et j'ai revu le film ensuite. Ok, et toi Mélanie? Moi le roman je ne l'avais jamais lu, c'est vu que j'ai trouvé dans la ressourcerie, j'avais envoyé un texto à Julie en disant « Regarde ce que j'ai trouvé », elle m'a dit « Ouais, faut qu'on invite Victoire et tout ça !» Donc je l'ai découvert, mais de toute façon je pense que même si on n'avait pas fait un podcast, je l'aurais quand même lu parce que Julie, t'avais déjà lu des romans de Vikas Suaru que t'avais beaucoup aimé. Donc je te fais confiance et je savais que c'était une valeur sûre. Et le film, je ne l'avais pas vu au cinéma, je crois que j'avais vu un bout à la télé, mais genre il y a des années de ça, et j'avais le vague souvenir d'une scène où on voyait des gamins courir dans un bidonville, et c'est tout. Donc en fait là, le film, je l'ai vraiment découvert pour le podcast, et puis on va en reparler, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de différences entre le livre et l'adaptation de Danny Boyle. Voilà. Et ben, en ce qui me concerne, un peu comme Victoire, en fait, j'ai découvert le film en premier à l'époque de sa sortie et ça avait été un traumatisme pour moi. J'ai fait un rejet vraiment très violent quand je l'ai vu parce qu'à ce moment-là, je connaissais déjà le cinéma indien, donc j'avais été biberonnée à un certain style de cinéma et une certaine vision de l'Inde. Et en voyant Slumdog, je me suis dit, je comprends pas ce que j'ai devant les yeux, je comprends pas ce que ça montre, je comprends pas le côté pathos, mélo, violent. Et effectivement, il y avait certaines scènes qui m'avaient également, notamment la mutilation infantile, qui m'avait vraiment traumatisée, et j'ai fait un vrai rejet qui était que je voulais plus jamais voir ce film. Et ça m'a pris 10 ans avant de le, de le re-regarder. Ou, enfin, même plus, parce que c'était qu'il y a 1 ou 2 ans que je me suis dit, allez, je le retente. Et je l'ai toujours... Enfin, ça m'a fait un peu le même effet. Et ce qui est bizarre, c'est que quand il a fallu le revoir pour l'épisode, je me suis dit, mais en fait, je me souviens pas de ce qui se passe dedans, hormis les scènes qui vraiment me perturbent le plus. Je le trouve pas très mémorable. Et en ce qui concerne le livre, j'avais très très hâte de le lire, parce qu'effectivement, je suis une grande fan de Vikas Swarup, où j'ai lu ses 2 autres romans. Il n'en a fait que 3 en tout. Et c'est un auteur que j'adore. J'adore son style, j'adore sa plume, j'adore son engagement. C'est quelqu'un qui dénonce beaucoup sur beaucoup de sujets dans ses romans. Donc j'avais très hâte de voir le premier. Et j'avais un peu peur aussi pour vous, parce que en l'ayant démarré avant vous, donc vers septembre, je lis les premiers chapitres et je me dis « Ouf, ça démarre vraiment dans des sujets glauques ». J'espère que du coup ça va pas les rebuter trop fort et qu'ils vont pas se dire mais pourquoi elle nous fait lire ça en plus en période de Noël, vraiment merci du cadeau. Non, ça a été, alors à titre personnel, juste avant de commencer du coup les fabuleuses aventures d'un indien malchanceux qui devint milliardaire, j'avais lu un roman historique absolument épouvantable et du coup j'avais très peur d'être en panne de lecture. Et au final, quand j'ai commencé ma première session lecture du roman de Vikas Swarup, j'ai lu 100 pages d'un coup. Genre, j'ai été accrochée direct par le style de l'auteur et j'avais du mal à décrocher. Je trouve que c'est un roman qui se lit mais super vite et qui est hyper addictif. Donc voilà, effectivement, même s'il y a des sujets qui sont un petit peu durs, ça m'a pas rebutée et j'y suis allée mais à fond les ballons, quoi. Bah en fait, j'ai l'impression que dans ce roman, effectivement, il y a des sujets durs et il y a des tragédies qui se produisent, mais en fait, il y a toujours une certaine légèreté de ton et beaucoup d'humour, en fait. Et en fait, et malgré certaines scènes, c'est contrebalancé sans arrêt par, je pense, le style aussi de Vikas Swarup et le fait que, du coup, il y a toujours un peu une dérision, une comédie, un côté un peu... Moi, le roman, ça m'a fait vraiment penser à Candide de Voltaire, dans le sens où t'as vraiment aussi un côté où le personnage principal, il est gentil, et lui, il veut juste s'en sortir, et des fois, il est un peu trop naïf, ou voilà, et il va rencontrer plein de personnages différents, et il va vivre plein d'aventures, et des aventures positives, des aventures négatives, mais c'est toujours fait avec une certaine... sans lourdeur, en fait. Oui, il y a beaucoup de sarcasme et effectivement d'humour. Et c'est pour ça que j'adore la plume de Swarup. Et en fait, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma indien de base. C'est de parler des sujets qui sont graves, mais avec une forme de légèreté qui fait que c'est facile de regarder un film qui parle de choses très graves. Là où le cinéma occidental adore faire des choses ultra pathos, ultra mélo, surtout le cinéma britannique. Mais on va y revenir. On va finir un petit peu la fiche de présentation de Slumdog. Mélanie, est-ce que tu veux bien nous faire un petit synopsis à notre façon du film, pour plaisir. Les gens qui ne connaîtraient pas? Alors, Jamal Malik, un pauvre serveur de thé des bidonvilles, participe à Qui veut gagner des millions, version indienne. Jean-Pierre Kapoor, le présentateur, va lui poser les questions les plus ardues qui soient. Et Jamal répond à tout, déclenchant alors des accusations de tricherie. Interrogé par la police avec douceur et respect des lois internationales, Jamal raconte alors l'histoire de sa vie et comment il a pu ainsi répondre à toutes les questions d'Anil Foucault. Alors, Danny Boyle a-t-il su rendre hommage à l'œuvre de Vikas Swarup? A-t-il lu le roman ou seulement sa 4e de couverture? Va-t-on survivre aux 2437 flashbacks? Le saut dans la mare à caca est-elle une allégorie de notre plongée dans l'univers cinématographique de Slumdog Millionnaire? Et surtout, Jamal va-t-il battre le record d'Alia Bhatt dans Brahmastra et hurler plus de 103 fois « Latika ?» Alors, vous vous doutez bien que sur un épisode qui nous parle de qui veut gagner des millions, forcément, je vous ai préparé un petit jeu tout au long de cet épisode afin d'amener sadique. Quelques petites anecdotes un petit peu marrantes. Et on va démarrer tout de suite, je vais être votre Jean-Pierre durant tout cet épisode, et on va démarrer tout de suite avec une première question. Alors, puisqu'on parle du film, et notamment de son titre, parlons un petit peu justement des titres. Parmi toutes ces propositions, qui sont toutes de véritables traductions du titre du film à travers le monde, à votre avis, laquelle est le titre hongrois de Slumdog Millionnaire? Oh la vache. Réponse A. Réponse A. Le clochard millionnaire. Réponse B. Le pouilleux millionnaire. Réponse C. Millionnaire du ghetto. Réponse D. le millionnaire des bidonvilles? Réponse B, le pouilleux millionnaire. Moi, je dirais la C. Tu dirais le millionnaire du ghetto? Ouais. Eh bien, l'une de vous deux a la bonne réponse. Et il s'agit de Mélanie. Ah, bravo. Oh. La réponse B, c'est le Canada, c'est le Québec. Ouais, ah ça, oui, mais parce que ça me disait quelque chose en plus. Le pouilleux. J'étais sûre d'avoir lu quelque part. Bah, c'est les Québécois, j'adore. C'est les Québécois. Le clochard millionnaire, c'est la Roumanie. C'est un peu violent aussi. Mon préféré, bah, c'est la Hongrie avec millionnaire du ghetto. Et millionnaire des bidonvilles, c'est l'Ukraine. Oh, très bien. Alors du coup, le titre du film, sachez que rien que ça a fait déjà en fait polémique au moment où le film est sorti, parce que à la base, parler de gens sous le terme de slumdog, donc l'équivalence, enfin c'est chien des bidonvilles, mais nous en français on dirait chien de la casse dans notre langue à nous, et ben en fait c'est un terme qui n'existait pas avant que le film arrive. Donc, en décidant de désigner son personnage pendant tout le film sous le terme de slumdog et toutes les personnes des bidonvilles, eh bien, on a une association d'habitants du Bihar qui a porté plainte contre Danny Boyle et contre l'équipe du film parce qu'ils considéraient que c'était stigmatisant et surtout que ça a renvoyé à un terme colonial parce que sous la période coloniale, un peu comme partout, il y avait des panneaux qui disaient « interdit aux chiens et aux indiens ». Donc décider de qualifier des gens de bidonville de chiens, ça renvoie vraiment à une vision coloniale où il y avait une supériorité britannique et blanche sur la population. Et ils se sont dit, en fait, il y avait 1 milliard d'autotitres à utiliser, ne serait-ce que Q&A comme le roman, tout simplement. Pourquoi décider d'appeler ces gens des slumdogs, quoi ? Et effectivement, voilà, ça a suscité énormément de polémiques. Et ensuite, l'équipe a dit non, c'est pas ça qu'on voulait dire. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah oui, moi je suis d'accord que c'est très offensant comme terme, c'est sûr. Et puis, encore une fois, quand tu vois le titre du roman, même le titre français qui est pourtant pas idéal, est-ce qu'il aurait pas fallu jouer sur le côté qui veut gagner des millions, mais genre, ou l'Indien qui gagne des millions, ou un truc comme ça. Ah ouais. Enfin, est-ce que. Mais après, ça va aussi avec le côté du film qui renvoie énormément en fait à la misère et qui donne une image de l'Inde comme si l'Inde n'était qu'un bidonville géant quand même. Enfin, il y a des moments où ils ont quand même axé sur le côté très misérabiliste. Donc ça va avec ce qu'ils veulent montrer, mais c'est vrai que c'est stigmatisant. Je suis d'accord. C'est surtout dans le terme, parce qu'en soi, même si on regarde les titres des autres pays, même si on te dit le pouilleux millionnaire ou le clochard millionnaire, ça renvoie quand même à une forme d'humain. Je veux dire, c'est un humain qui est pouilleux ou qui est clochard, peu importe. C'est stigmatisant, mais ça reste un adjectif qui parle d'humain. Dire un slumdog, c'est vraiment renvoyer des gens à l'animalité. C'est-à-dire que vraiment, c'est de la vermine. Donc, pourquoi choisir ce terme ? En plus, c'est un terme inventé. Enfin, je veux dire, c'est dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour le dénominer des gens ? Tiens, je vais prendre bidonville et chien et on va mettre ensemble et ça fera slumdog. Mais du coup, il y a Danny Boyle qui a répondu à ça, qui a dit oui, ça me rend un petit peu triste qu'il y ait une controverse en gros sur le titre. Et en gros, apparemment, le titre, c'est un mélange entre le terme underdog et slum en fait. Et en fait, c'est pas ce qu'on voulait dire, on voulait pas offenser des gens et tout. Enfin, du coup, il a fait son ouin ouin après quoi. C'est... Non, mais Danny Boyle, il a fait son ouin ouin sur à peu près toutes les controverses du film. Hein, donc... Oui. Préparez-vous. Ah, c'est vrai, j'ai pas mis d'avertissement en début d'épisode. Attention, on va spoiler sur tout le film et tout le livre. Et si jamais vous venez de la fanbase de Danny Boyle, parce que je sais qu'elle existe, bon, prenez un petit verre d'eau à côté de vous, hydratez-vous régulièrement dans l'épisode, parce que globalement, on ne va pas trop faire de cadeaux à Danny. Voilà. Alors, parlons un petit peu de la bande-annonce de ce film. Est-ce que vous l'avez vu avant ou après le film, d'ailleurs? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je crois que je l'ai vu avant, je ne sais même plus. Parce que je l'ai Est-ce que ça vous paraît bien représenter le film? Est-ce que vous trouvez ça... Est-ce que quand vous la voyez, vous dites « Ah, j'ai bien envie de voir ce film » Est-ce que vous l'avez vu et vous vous êtes dit « C'est un peu mensonger dans le ton par rapport à comment est le film ?» Très honnêtement, j'ai aucun souvenir de cette bande-annonce. Je ne l'ai pas regardée là. Donc ça veut tout dire. Non, mais je l'ai pas du tout regardée la bande-annonce là récemment. Donc peut-être que je l'ai vue à l'époque au cinéma en 2008-2009, mais aucun souvenir. Alors moi j'ai vu la bande-annonce mais enfin anglaise et déjà t'as la musique d'un groupe que j'écoutais quand j'étais ado, la musique de The Ting Tings, et je me suis dit mais ça colle pas du tout avec ce qu'on voit à l'image en fait, parce que la musique elle te donne un côté genre un petit peu joyeux, tu vois les gamins qui courent et tout ça, tu vois des flashbacks. Et en fait, je trouve que ça colle pas avec ce que le film il va essayer de te raconter. Enfin, non, j'ai pas trop aimé. Alors moi, j'en ai vu deux après le film, comme d'habitude. La première, c'était la première bande-annonce qui avait été faite autour du film. Alors effectivement, elle a vieilli, elle est dans le style de Danny Boyle, donc elle est très... Elle cumule les images, voilà, c'est très clipesque. Et effectivement, en fait, t'as aucune musique indienne, aucune musique du film. Je me suis dit, ok, sympa. Donc, on essaie d'attirer un public via une musique qu'il connaît, donc voilà, une bonne musique britannique, etc. Je me suis dit, oui, bon, elle est un peu bof. Surtout à la fin, il y a vraiment une musique années 80. Et effectivement, c'est monté d'une façon, t'as l'impression que, bah, comme sur les affiches, quand il y avait marqué The Feel Good Movie. Movie of the year, enfin, genre vraiment le film feel good de l'année, et tu te dis, bah écoutez, on n'a pas la même définition de feel good dans la vie, parce que clairement, moi, c'est pas un film que j'ai envie de voir quand ça va pas bien. Et la deuxième bande-annonce que j'ai vue, c'était une fois que le film avait chopé tous ses Oscars, du coup, ils ont refait une bande-annonce, alors qu'ils spoilent le tout, hein, tu retrouves tous les ingrédients. Et pareil, il y a une musique encore plus péchue, et t'as l'impression que tu vas regarder un film, mais trop détente. Joyeux au possible, trop sympa, vraiment un film ouais, d'aventure, de voyage. Je me suis dit, waouh, mais attendez, on n'a pas vu le même film, c'est pas possible. Alors après, pour moi qui ai déjà travaillé dans le marketing du cinéma il y a quelques années, je comprends l'idée. Parce qu'en fait, si, je veux dire, en plus, on est quand même en 2008-2009. Est-ce que t'allais vraiment axer... Déjà, je pense que déjà, amener les gens au cinéma, un public occidental, blanc, classique, voir un film qui se passe en Inde. Déjà, c'était quand même pas gagné parce que tout le monde n'a pas cette envie d'ouverture sur le monde. On est quand même très, influencé aujourd'hui par le cinéma américain, le cinéma occidental. Donc déjà, il fallait amener les gens à voir un film qui se déroule en Inde. Et surtout, si on commençait à leur dire « Alors là, vous n'êtes pas prêts, il va y avoir de la mutilation d'enfants, de la prostitution de mineurs, des gangs. » Enfin, là, c'était pas possible. T'es sûr que t'allais perdre tout le monde. Donc je pense qu'ils ont voulu axer effectivement sur le côté feel good. Enfin, je pense que c'était une stratégie. Bah, déjà, le film se termine bien, donc c'est à demi un mensonge, on va dire. Et surtout, voilà, c'était aussi un moyen d'amener les gens au cinéma. Et je pense que c'était une stratégie qui, en plus, a été payante, puisque bah, le film a eu quand même beaucoup de succès critique, puisqu'il y a eu des Oscars, mais aussi public, parce qu'il a fait beaucoup d'entrées au cinéma. Oui, mais ouais, c'est bien, sûr, c'est clickbait. Oui, mais bon, c'est le marketing, c'est le but, enfin, c'est comme ça a marché. Ça marche aussi, ouais, voilà. Ouais, c'est comme ça que ça marche, t'es obligé. Si on te disait, attention, trigger warning, caca, suicide, prostitution, là, d'un coup, tu te dis, bah, peut-être que je suis pas dans le mood, tu vois. Fin... Bah moi, je sais pas, je trouve que franchement, il y a certains films français, c'est ce qu'on te vend dans la bande-annonce et c'est ce que tu récupères au ciné, hein, mais... Oui, mais nous, est-ce qu'il fonctionne autant que Slumdog Millionnaire, et est-ce qu'en France, on n'a pas aussi envie de voir des trucs déprimants? Tu vois, là, imagine un public anglo-saxon. C'est autre chose, peut-être. Et alors, est-ce que vous savez quelle a été la réception en Inde de ce film? Parce que tout le monde connaît la grande réception du côté de l'Occident, avec les Oscars, etc. Mais c'est bien gentil, mais peut-être que le pays concerné, qu'est-ce qu'il en a pensé? Est-ce que vous savez si ça a été bien ou mal reçu? Bah, j'imagine mal. Enfin, vu ce que tu as dit au début, en plus, que ça a été un gros flop en Inde, je suis pas très... Enfin... Et même par rapport à la... Encore une fois, j'ai vraiment zéro connaissance de l'Inde et du cinéma indien, mais quand on voit juste la différence de ton et de péripéties et de personnages et de caractérisation dans le roman et dans le film, moi, ça me choque. Ça me choque. Je suis pas indienne, j'y connais rien à l'Inde. Donc, je pense que les Indiens, moi, à leur place, ça m'aurait pas plu, mais... Et bah, effectivement, ça s'est pas très bien passé en Inde. Déjà, rien que le titre du film, ça a pas trop plu, hein, évidemment. De toute façon, on en a parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, ils ont changé le titre du film. Ça n'a plus été Slumdog Millionnaire, c'était Slumdog Crorepati. Parce que c'est plus un mot hindi, donc ça parle plus à la population plutôt que tu dises millionnaire. Et ça, surtout que c'est le titre du jeu TV de Qui veut gagner des millions. Effectivement, ouais, le titre de base, bah, qui d'ailleurs, on en reparlera, mais qui est présenté notamment par Amitabh Bachchan. Tu sais, je sais pas si tu vois Victoire, c'est l'acteur qu'on voit au tout début du film. Enfin, qu'on entreaperçoit là, tu sais, quand le petit se jette dans le caca pour avoir son autographe. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, c'est cet acteur-là, en fait, qui présentait à l'origine bah, Qui veut gagner des millions version indienne. Donc, je pense que là, dans le film, ils ont voulu faire un petit caméo. Un petit clin d'œil, voilà. Un petit clin d'œil, du coup. Mais Ouais, la réception en Inde a pas été top, c'est bizarre. Puis il y a surtout eu le fait aussi, je pense, que l'acteur principal, Dev Patel, n'est pas indien. Il est d'origine indienne, mais il est britannique. Oui, bien sûr, mais il a quand même des origines indiennes, j'imagine, parce que oui, Oui, il est né oui. en Angleterre, c'est sûr, ouais. Il est né en Angleterre, il est d'origine indienne, mais enfin, il est britannique et en fait, ça s'entend rien qu'à son accent. Je sais pas si t'as regardé le film en VF Oui, ou en non, VO. j'ai regardé en VO et bah après Ouais. la plupart des acteurs, ils ont un accent Ouais, parce que c'est des, parce que Bah, c'est c'est un des film britannique en fait, hein, tout vrais simplement. Indiens. C'est un Voilà. film anglais en fait, donc Mais ouais. en fait, quand t'entends Dev Patel qui parle à Irfan Khan ou à Anil Kapoor, qui eux sont indiens, et t'entends les différences d'accent et t'entends l'accent très très british de Dev Patel, et tu dis ouais, mais comment tu veux que je croie à cette histoire que le gars, il vient des bidonvilles de Mumbai, alors qu'il parle un anglais absolument parfait et que tu sais à travers les flashbacks qu'il a reçu aucune éducation. Ce sera jamais pire que son accent dans Best Exotic Marigold Hotel, qui est aussi. J'y reviendrai sur ce film, mais franchement, son accent, il est pire. Mais donc, tu l'as dit, effectivement, la réception a été vraiment mauvaise. Les cinémas ont vraiment peiné à remplir les salles au moment de la projection du film. Et puis surtout, eh ben, le fameux Amitabh Bachchan, c'est vraiment une sommité hein, du cinéma indien, c'est une des plus grandes stars. Hein, il est qualifié de dieu de Bollywood quand même. Il a une renommée internationale, pas en Occident, mais dans le reste du monde, parce que le monde n'est pas que l'Occident. Et en fait, il a fait une critique ouverte sur son blog. D'ailleurs, je vais vous la lire, parce qu'elle est très intéressante. Il nous dit: Slumdog Millionaire projette l'Inde comme une nation du tiers-monde, sale et en voie de développement, alors que certains aspects existent aussi dans des pays plus développés. Le problème, c'est que ce film, imaginé par un auteur indien et réalisé par un metteur en scène occidental, fait l'objet d'une reconnaissance mondiale. S'il avait été réalisé par un metteur en scène indien, cela ne se serait peut-être pas produit. Alors, il a amené une réflexion assez intéressante qui est que, en fait, l'Inde sait très bien parler d'elle-même, notamment du sujet des bidonvilles, des slums et de la pauvreté. Ça date pas d'hier, il y en a des tonnes. Moi, je pense aux années 50 avec Avara, qui est un excellent film, d'ailleurs, je vous le recommande. Il y avait eu en 88 Salaam Bombay aussi, qui a été fait par Meera Nair, par une réalisatrice. Étonnamment, c'est bizarre, on n'en entend pas vraiment parler. Et le film Slumdog s'inspire vraiment beaucoup, d'ailleurs, de ce film-là. Et même plus récemment, avec Mélanie, on en a chroniqué plein dans nos épisodes. Et si je devais en citer un, bah justement avec Amitabh Bachchan, il en a sorti un en 2022 qui s'appelle Jund, qui est vraiment très bien aussi. Et en fait, l'Inde sait très bien parler de ce sujet-là, mais bizarrement, eux, on leur donne pas comment, Une reconnaissance une reconnaissance, on internationale. leur donne pas la même visibilité. Alors que là, tout le monde s'est extasié sur celui de Danny Boyle. Et il faut savoir que cette critique que du coup a faite Amitabh lui a valu un retour de bâton de la part de la presse britannique et américaine en disant non, mais c'est juste l'Inde qui a du mal à accepter la réalité, qui n'apprécie pas qu'on montre ce qui se passe sur son territoire. Après, je pense que c'est très dans son époque, encore une fois. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, un film comme Slumdog Millionaire ne pourrait plus sortir. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, déjà, il y a une prise de conscience par rapport au fait de laisser parler les auteurs qui sont concernés, tu sais, quand sur un sujet. Et donc, maintenant, on est beaucoup plus sensible à l'appropriation culturelle, au fait de laisser ouais, les personnes concernées parler plutôt que des mâles blancs donner leur avis. Donc je pense qu'effectivement aujourd'hui ça ne pourrait plus arriver à un film comme Slumdog Millionnaire. Eh ben franchement, moi j'en doute énormément parce que pour suivre exprès toutes les sorties Ouais. britanniques Bah le vice-roi des Indes. qui touchent à l'Inde, honnêtement, non, c'est un Ouais. sujet qu'ils adorent utiliser. On avait fait un article il y a très longtemps avec Mélanie. Mélanie, je vais en parler très vite fait aujourd'hui. C'est que globalement, quand on regarde le cinéma britannique, l'Inde, elle se range dans trois catégories. Vous pouvez être sûr que le film va se ranger dans une des trois catégories. La première, ça va être la nostalgie coloniale. C'est tous les films qui vont te dire, waouh. En général, les personnages principaux sont des colons, c'est eux qu'on suit, leurs amourettes, etc. Et t'as l'empire colonial qui sert un peu de décorum. Et généralement, on te montre à quel point c'était pas si mal quand même à cette période-là. Il y a eu plein de séries. Je pense A Suitable Boy, Indian Summer, on a eu Le Vice-Roi des Indes. etc. Ensuite, il y a tous les films où on est après l'indépendance et on est sur une vision plutôt de tourisme colonial. Donc c'est le néocolonialisme. C'est-à-dire que là, on est sur des Occidentaux un peu désabusés de leur vie, qui généralement vont en Inde pour se ressourcer et se dire que « Oh mon Dieu, c'est exotique, c'est génial !» Et après, ils rentrent chez eux et ils se disent « Ah, quand même, c'était pas mal ma vie avec des privilèges, mais ça m'a trop changé, vraiment, cette expérience !» Alors là, t'as « Manche prix M » avec Julia Roberts, t'as « One Million Arm », un truc comme ça, où c'est autour du cricket... et les films avec Dev Patel, tous les best exotiques Marigold Hotel, où là, pareil, c'est des vieux qui vont en Inde, qui apprennent aux Indiens, limite, comment ils doivent s'en sortir, enfin bref. Et la dernière catégorie, c'est le misérabilisme, et c'est vraiment montrer à quel point, depuis qu'il n'y a plus l'Angleterre, l'Inde, elle est vraiment bien miséreuse, et puis c'est triste, et c'est instable. Donc il y a eu Slumdog, mais après, on a eu Lion, de nouveau avec Dev Patel, sur une histoire comme ça, voilà, d'enfant orphelin qui cherche sa mère. Oui, mais ça pareil, c'est 2015, ça, Lion, non ? C'est vieux, maintenant. Oui, et après, il y a eu Hotel Mumbai, sur les attentats où il y avait une prise d'otage d'Occidentaux, d'Américains, de Britanniques, dans un hôtel, et c'était une prise d'otage, voilà, par des terroristes musulmans, tatata. Là, je crois qu'on est à 2018, et en ce moment, on se tape toutes les comédies romantiques, où pareil, c'est genre, ah, ma famille, ta famille, c'est pas facile, ils ont une culture tellement différente de la nôtre, là, là, là. Enfin bref, 2023, okay. Je sais pas, mais moi, je trouve que quand même, ça a duré les Britanniques sont quand même bien enclins à en parler. Oui, bah, donc, oui. Dommage. J'espère, mais je trouve ça, mais j'y crois pas trop. En tout cas, ce sont des films qui s'exportent pas autant que Slumdog Millionaire, parce que moi, la plupart, j'en ai, à part Lion, la plupart, j'en ai pas trop entendu parler. Manche prix M, on en a vu. Oui, Manche prix M, oui, non, mais bien sûr. Après, ouais. Manche prix M, c'était aussi adapté de mémoire. Enfin, c'est une adaptation de roman, mais roman d'une expérience réelle, puisque la personne est aussi vraiment partie un moment en Italie, puis en Inde, puis à Bali. Donc, Après, on est d'accord qu'il n'y a pas eu le rayonnement de Slumdog. Hein. Oui, oui, oui. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas, ça a fait beaucoup grincer des dents, surtout au niveau des réalisateurs, des critiques cinéma. Voilà, je pourrais vous en dire plein, mais bon, globalement, voilà, par exemple, il y avait un réalisateur qui s'appelle Ariane qui disait que le film pouvait être considéré comme l'un des plus gros fantasmes gratuits imaginés sur l'Inde du 21e siècle. Et on avait Kishwar Desai, pareil, qui te disait que c'était une vision superficielle et artificielle de l'Inde. Enfin bref, ça n'a pas du tout fait plaisir. Mais ça aussi, on ne l'a pas trop entendu, quoi. C'est-à-dire que, bon, il n'y avait qu'une seule vision dont on a entendu parler. Il y a Aamir Khan, donc, qui est un acteur qui est pareil, très célèbre en Inde, et dont on a parlé il y avait, dans le podcast il y a quelques semaines, qui n'a pas aimé le film non plus, qui a dit « Mais en fait, ce n'est pas un film indien, c'est un film à propos de l'Inde. » Mais ouais, le film est ok, mais encore une fois, c'est vraiment un film occidental qui montre une certaine vision de l'Inde. Ah ouais, il faudrait que je vous mette un extrait justement de l'interview d'Aamir Khan. J'ai jamais vu quelqu'un aussi mal à l'aise sur un plateau télé. Il est devant un journaliste qui lui fait « Alors, vous en pensez quoi de Slumdog Millionnaire ?» Et il est en face, il est en mode « Bon, comment je dis que j'ai pas aimé, mais sans me mettre des gens à dos, parce que j'essaye d'avoir une carrière aussi à l'international ?» For many people, their understanding of Indian culture is Slumdog Millionaire. And that really, yeah. What did you think of that? Well, I thought the film, unfortunately, you know, for a film like Slumdog, and because it's not really an Indian point of view. I think Danny is someone who's not Indian, and that's his take. And I think he's hugely talented. But it's not really how India is. You know, unfortunately, I have a strong sure. reference point, so I can't help but react that way. But I can see why people who don't have a reference point love the film. Par contre, je sais pas si t'as vu, mais Shah Rukh Khan, qui est pareil un grand acteur de Bollywood, il a défendu le film, lui. Il a dit non, mais c'est bien comme ça, les gens ils peuvent comprendre un peu en gros notre pays et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'Inde avait montré sous un mauvais jour, mais bon. Ce qui est marrant parce qu'il avait été approché pour un des rôles ouais. et il a décliné et il a dit qu'il ne regrettait pas du tout de ne mm-hmm. pas avoir été dedans. Ouais, donc il devait faire le rôle du présentateur. Ok. Ouais. Alors du coup, puisqu'on parle un peu de fiches techniques, regardons d'un peu plus près. Donc vous le savez, le réalisateur c'est Danny Boyle, le scénariste c'est Simon Beaufoy, et il y a eu une certaine controverse sur une certaine Loveline Tandon. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Mélanie, non, je pense. Non. Ah, la co-réalisatrice. La co-réalisatrice, oui, j'avais vu, ouais. Oui, c'est, mais je crois qu'à la base, elle devait un peu s'occuper du casting aussi en Inde, c'est ça. Alors, Lovelyn Tandon, il l'a associé. Ouais, en fait, Lovelyn Tandon, à la base, elle était juste directrice de casting. Elle a l'habitude de travailler sur les plateaux de cinéma, et notamment, elle a travaillé avec Mira Nair. Et en fait, il s'est avéré que quand ils se sont retrouvés sur place à devoir faire le film, en fait, Danny Boyle a eu énormément besoin de Lovelyn Tandon, parce que c'est elle qui pouvait apporter un peu de point de vue sur la culture, c'est elle qui pouvait gérer du coup, le casting, et puis notamment les enfants qui ont été recrutés et qui étaient donc de vrais enfants issus des bidonvilles. Et c'est elle notamment qui a énormément insisté sur le fait qu'il fallait absolument que la première partie soit tournée en hindi et pas du tout en anglais, alors qu'à la base, producteur et réalisateur voulaient absolument un film anglophone avec un casting anglophone. Donc voilà, elle a énormément contribué, sauf qu'en fait, hormis son petit nom à la fin du générique, personne ne parlait jamais de Lovelyn Tandon. Et elle avait juste été créditée, voilà, à la fin, co-réalisatrice, et il a fallu qu'une journaliste américaine dise « Mais au fait, c'est marrant, vous avez mis quelqu'un en co-réalisatrice, elle est où, c'est qui, est-ce qu'elle a été utile ?» Et Danny Boyle a fait « Oui, oui ». Mais au début, personne parlait d'elle. Au Golden Globes, elle n'a pas été invitée. Pour les Oscars, ils n'ont pas voulu mettre son nom pour l'Oscar de la réalisation. Alors que pour certains Oscars, on peut avoir deux personnes qui sont sur l'Oscar du meilleur réalisateur, notamment quand c'est des frères et sœurs. Mais là, ils n'ont pas voulu la mettre. Le producteur, quand il y a eu cette première controverse, où il a senti qu'on était en train de dire qu'en gros, on invisibilisait une femme, il a dit non, non, non, mais elle n'a pas été si importante que ça, faut pas la mettre sur le même pied d'égalité que Danny Boyle. Et donc, les Oscars se sont passés. Quelles que soient les récompenses, elle n'a jamais été mentionnée. Danny Boyle ne la mentionne pas quand il reçoit sa récompense, parce que j'ai vérifié les Oscars, je les ai regardés. C'est rageant. Personne ne parle d'elle. Sur la captation des Oscars, on ne la voit pas. Il faut qu'il y ait des photos de certains journalistes sous un certain angle pour voir qu'elle est quelque part dans la salle au moment où il récupère les récompenses. Mais et une fois que tout ça est passé, dans les interviews, je me dis « Oui, oui, Lovelyn Tandon, très importante, hein, vraiment, je la considère comme ma co-réalisatrice. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a été citée dans les articles. Voilà. Bonjour, l'invisibilisation des femmes. Nickel. Est-ce qu'on est étonné? Non, malheureusement, non. Encore une fois, film de 2009, hein. Je suis pas du tout surprise. Donc, un film avec 8 Oscars, 7 BAFTA, 4 Golden Globes. À la musique, on retrouve un immense compositeur pour qui connaît voilà, le cinéma indien, donc c'est A.R. Rahman. Au casting, bon bah on l'a dit, il y a Dev Patel. Dans ses versions plus jeunes, il y a Ayush Kedekar et Tanay Cheda. Pour Latika, on a Freda Pinto, donc qui est indienne. Je sais pas si tu l'as vu dernièrement, peut-être Victoire. Moi, je l'ai recroisée dans un film qui fait très Bridgerton. Je sais que tu es dans cette thématique en ce moment. C'est Mr. Malcolm's List. Non, ça me dit rien du tout. Il est passé un peu sous les radars, mais je l'ai vu et j'ai fait « Oh, Freda Pinto !» Ah non, écoute, ça me dit rien, mais je note. Et figurez-vous qu'à l'issue du film, elle est restée 6 ans en couple avec Dev Patel. Voilà, c'est le petit point gossip. Ah oui, je l'ai vu, j'avoue. La gossip, j'adore. On aime les petits points gossip. En version jeune, c'est Rubina Ali et puis Tanvi Ganesh Londkar. Pour Salim, on a Madhur Mittal. Qu'on retrouve dans un autre film, justement un de ces films que j'ai évoqué tout à l'heure, Million Dollar Arms. Dans sa version jeune, on a Azharuddin Ismail et Ashutosh Gajiwala. Et on l'a dit, Anil Kapoor et Irfan Khan. Mélanie, est-ce que tu as des anecdotes peut-être sur les petits acteurs Eh ben oui, les versions donc, très jeunes de Salim et de Latika, donc Azharuddin Mohamed Ismail et Rubina Ali, c'est des vrais enfants, des bidonvilles. Qu'ils ont recruté bah, en gros comme ça dans les slums du coup. Alors Azharuddin il a été payé 1700 livres et Rubina 500. Voilà, donc ils voilà, ont autant pour l'égalité hein. Pas grand chose hein. Bah, et puis même pour l'exploitation. Voilà. Alors en plus ce qui est assez terrible c'est que c'est vraiment là du coup de l'exploitation pure parce que pour le coup le cinéma britannique est très protecteur en principe du travail des enfants. C'est-à-dire que les enfants britanniques, les enfants acteurs, il me semble qu'ils ne peuvent pas faire plus de 4 heures de tournage par jour. C'est très limité en Angleterre, le tournage des enfants. Donc là, le fait que non seulement ils soient sous-payés, parce qu'on va pas se mentir, ce sont des sommes extrêmement ridicules, Bien sûr. Et qu'en plus, bon, j'imagine que je suis pas sûre qu'ils aient respecté le côté temps de travail, c'est vraiment scandaleux. Ils sont quand même allés aux Oscars et tout ça, aux premières. Non, peut-être pas aux Oscars, mais je crois aux premières du film. S'ils étaient aux Oscars aussi, ils sont allés aux premières du film et tout ça. Et puis, bah, une fois que tout ça, ça a été passé, bah, ils sont retournés vivre dans leur bidonville, dans des bidonvilles qui sont illégaux en plus. Et apparemment, Danny Boyle a dit non, mais on va quand même payer leur éducation. Chaque mois, ils vont recevoir 20 livres pour s'acheter de la nourriture et des bouquins. Le mec, il s'est fait délire. Voilà. Mais moi, c'était ma première inquiétude. C'est-à-dire que quand j'ai lu que c'était vraiment des enfants issus des bidonvilles, je me suis dit, mais attendez, vous avez pris des enfants issus d'une extrême pauvreté. D'un seul coup, vous les avez mis sous les feux des projecteurs, dans des hôtels de luxe, etc., histoire de gagner des récompenses. Et après, vous en avez fait quoi? En fait, vous les avez relâchés dans la nature en mode, bah salut, merci, grâce à toi, on a fait le tour du monde et des journaux et on en a fini. Ils les ont littéralement jetés, quoi. C'était des enfants jetables. Ouais. Bon, visiblement, ils avaient ouvert un trust, hein, de quoi, effectivement, mettre de l'argent plutôt sur un compte, sur le côté, pour éviter que les familles, en fait, dépensent tout à leur place pour les gamins et que ça paye leur éducation. Mais bon, quelque chose me dit qu'ils ont quand même pas récupéré à la hauteur de ce qu'a généré Slumdog Millionaire. In the movie Slumdog Millionaire, he played young Salim, one of the little boys who lived a brutal life in the slums of Mumbai. In reality, the 10-year-old actor is actually living that life. And why aren't you living in a nice house? You're a star. But Danny uncle is not giving me house. He is referring to Danny Boyle, the famous director of the film, which brings up a question just about everyone is asking. Why is Ismael still here after acting in an Oscar-winning movie that made hundreds of millions of dollars? Ah, non, ils n'ont pas eu grand-chose. Mais bon, apparemment, il y a le petit qui joue Salim, donc Azharuddin Mohamed Ismael, qui a eu une maison quand même. Après, en 2009, après que son bidonville ait été détruit, Danny Boyle ou enfin, quelqu'un de la production leur ont offert une maison. Et donc Robina Ali, qui jouait donc la Tika, je crois qu'apparemment elle a écrit un bouquin autobiographique. Et voilà. Mais tu sais que le petit, justement, là, Azharuddin, sa maison, elle a été détruite par les autorités locales parce qu'elle était sur un slum et qu'avec l'argent qu'il avait eu du film de Boyle, en fait, il n'a pas réussi à maintenir un emploi ou quelque chose comme ça. Et en fait, aujourd'hui, il est de nouveau pauvre et il vit de nouveau dans un slum, quoi. Enfin, c'est triste. Ouais, c'est triste. C'est clair. Alors, sur les récompenses, vous savez à peu près c'est lesquelles qu'ils ont obtenues? Eh ben, 8 Oscars, déjà. Oui, sur les Oscars, les 8 Oscars. Je pense que sur les Oscars, donc, il y a meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleur acteur. Il y a aussi meilleur montage, meilleure photographie, meilleur son, meilleure chanson. J'ai pas trop compris pourquoi. C'est pour J.O. C'est pour la fin, la chanson de la fin. Alors, moi, c'est marrant parce que je me souvenais de la version des Pussycat Dolls. Ah, et du on coup, va y venir. Mais, et du coup, j'étais un peu triste à la fin quand c'était pas cette version-là, la fin du film. Oh. Moi, j'attendais les Pussycat Dolls. On y reviendra sur cette chanson. J'avoue que je me suis peut-être ambiancée en soirée quand j'étais plus jeune sur cette chanson. Désolée, c'est offensant, mais... Non, mais moi aussi, tu crois qu'elle était pas dans ma playlist? Et ouais, en fait, je voulais avoir un peu une... Bon. Encore une fois, peut-être que ça vous étonnera pas, mais un peu une réflexion sur ces Oscars, parce que si on regarde bien, globalement, les personnes qui ont obtenu ces récompenses, en fait, sont toutes des Anglais, excepté les deux Oscars de chansons et de musique, qui sont pour Rahman. Mais tu te dis, c'est marrant, les seuls qui n'ont pas été nommés dans leur catégorie, c'est les acteurs et les actrices. C'est vrai. Oui, après... Après, effectivement, il y a peut-être le côté occidental. Mais après aussi, je pense que souvent, on essaie de ne pas donner tous les Oscars au même film. Il n'y a pas toujours les Oscars, genre meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur film, en même temps que les Oscars techniques sur le son. C'est pour ça que je suis assez surprise que son montage et tout se soit fait. Sans compter que le montage, moi, j'ai des choses à redire là-dessus. Mais en plus, ce qui est assez... Ce qui est assez sûr, en revoyant le film, je me suis dit c'est vraiment un film à Oscar. C'est-à-dire que t'as vraiment le côté un peu pathos, un peu pour mettre en avant genre une discrimination ou une situation difficile dans le monde. Et en même temps, ça finit quand même bien. C'est à la fin, waouh, on surmonte les difficultés et on se sort de la pauvreté et on trouve l'amour. Ça, c'est quand même des thèmes qui souvent plaisent aux Oscars. Quand tu vois beaucoup de films nommés, c'est... Enfin, gagnants plutôt, c'est souvent des thèmes qui reviennent. Ça me fait penser à Green Book, qui a été nommé meilleur film il y a quelques années, qui n'est pas du tout un film indien, mais qui avait fait aussi polémique, parce que dans l'histoire, ça se passe dans les années 60, quand il y a les Afro-Américains qui sont interdits de séjour dans plusieurs États des États-Unis. Ouais. Et en gros, du coup, c'est un chauffeur blanc et un chanteur de jazz noir, ou un pianiste. Au début, le chauffeur est très raciste, mais après, il va comprendre que le pianiste... C'est pas bien d'être raciste. Bah voilà, c'est pas bien d'être raciste. Et puis le pianiste, c'est aussi un humain avant tout. Et voilà, Oscar du meilleur film, alors que c'est pareil, c'était réalisé ni par un noir, ni... c'était pas subtil, c'était pas... Et bon, ce sont des films à Oscar, quoi. Ouais. Oui, oui, mais enfin voilà, quand tu vois que le... Bon, c'est toujours pareil, on sait très bien qu'il y a un élitisme dans les Oscars, mais le cinéma indien, c'est aussi vieux que le cinéma britannique, et en fait, ils ont postulé des tonnes et des tonnes de fois, et en tout, l'Inde, elle a réussi à décrocher que 3 Oscars, un Oscar pour meilleur costume en 83, et après c'était l'an dernier, meilleure musique pour Triple R et meilleur documentaire avec The Elephant Whisperer. Mais en gros, tu te dis, bon, bah si l'Inde elle a le droit à un Oscar, c'est pour sa petite musique parce que ça nous fait voyager quand on l'écoute. Et voilà, et je me dis, t'as un énorme film, et ils se sont dit, de toutes les nominations, on va tout mettre. Tout ce qui touche, en gros, aux techniciens anglais. Par contre, les acteurs, bof, parce que le casting, voilà quoi. Enfin, je sais pas, moi ça m'a choqué quand j'ai regardé les trucs, je voulais voir qui avait remporté. Parce que quand tu regardes la cérémonie, du coup tu les vois passer, tu fais c'est marrant, tu m'as pas trop l'air indien toi quand même. Et tu dis bon, voilà. Et encore pour Triple R l'année dernière, quand ils ont gagné donc, l'Oscar pour Natu Natu, la meilleure chanson, il me semble qu'il y avait quand même beaucoup de critiques qui avaient dit ah là là, ce film Bollywood a gagné un Oscar. Alors que c'est même pas un film Bollywood, c'est un film Telugu. Donc c'est un Tollywood, quoi. Parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, Victoire, mais en fait, en Inde, t'as plusieurs cinémas. T'as le cinéma hindi, donc c'est ce qu'on appelle le cinéma Bollywood. T'as le cinéma tamoul, le Telugu, et chacun a son propre nom. Ok. Et en fait, quand les gens ils disent Bollywood, ils s'imaginent que c'est que le cinéma indien. Enfin, tout le cinéma indien. Alors que Bollywood, c'est juste une partie du cinéma indien. Ok, il y a plusieurs industries. Ouais. Il y a plusieurs industries. Hyper intéressant. Alors revenons un petit peu sur le roman, sur cette adaptation. Donc, petite question que normalement toi tu poses à la fin, Victoire, mais on va la passer avant. Est-ce que vous avez trouvé que c'était une adaptation fidèle, déjà, et sans être fidèle, est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne adaptation ? Moi je ne trouve pas que ce soit une bonne adaptation parce qu'il y a énormément de subtilités du roman qui ont vraiment été gommées. Typiquement, tout à l'heure on a rigolé sur le prénom du personnage dans le film, Jamal Malik, versus dans le roman où il s'appelle Raj Mohamed Thomas. Et en fait, ça, rien que ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans le roman, c'est qu'en fait le personnage, il est orphelin, et en fait du coup... comme il y a plusieurs cultures, plusieurs religions en Inde, il y a les Hindis, il y a les musulmans, et il y a aussi les chrétiens, puisque c'est un reste en fait de la colonisation. Du coup, chacun de ces noms représente un pan de la culture de l'Inde. Et rien que ça, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, déjà, il va pouvoir un peu se fondre partout où il va, puisque en fonction, il va changer de nom, enfin, il va choisir le nom qui convient le mieux à la situation. Et en plus, ça montre qu'en fait, l'Inde, c'est vraiment hyper multiculturel, et c'est un sentiment qui m'est resté pendant toute ma lecture, c'est qu'en fait c'est hyper riche, il y a tellement d'influences, de religions, de cultures différentes au sein d'un même pays, ce qui est aussi logique puisque c'est un pays d'un milliard d'habitants, mais juste ça, c'est dommage de l'avoir enlevé. Et après, en fait, tout ce que le film garde du roman, c'est vraiment le côté, c'est un mec pauvre qui participe à un jeu télévisé avec des questions et qui devient millionnaire à la fin. Mais même les questions dans le livre et dans le film, ce ne sont pas les mêmes. Il doit y en avoir genre deux en commun, mais à chaque fois, c'est même pas les mêmes explications, c'est pas les mêmes choses. Et enfin, un des points principaux aussi qui diffère entre le roman et le film, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est vraiment le ton. C'est-à-dire que vraiment, le roman, il présente des personnages très bigarré. T'as des moments tragiques, mais t'as aussi des moments assez comiques. T'as vraiment un panel de situations hyper différents où le personnage il va se retrouver à un moment à vivre dans un chol, donc c'est une espèce de communauté. Ensuite, il va être domestique. Ensuite, il va... Et tandis que le film, c'est juste, non, il vient du bidonville. Ils vivent dans le caca. Ils ne vont pas à l'école. Ils sont pauvres, ok. Non, mais voilà. Et pour ne pas être pauvre, tu fais comment? Tu deviens gangster. Ou alors, tu deviens guide au Taj Mahal, comme dans le roman, mais aussi, tu es voleur. Enfin... Ça m'a énormément choquée, en fait. Enfin, je veux dire, parce que dans le livre, t'as cette scène où il devient guide au Taj Mahal, et au début, il est un peu filou, parce qu'en fait, il y connaît rien au Taj Mahal, mais du coup, il apprend à écouter les autres guides pour devenir un guide. Mais dans le film, on s'est dit, non, il va pas juste devenir le guide du Taj Mahal. En plus, il va voler les chaussures des touristes pour les revendre au marché noir. J'étais, ah d'accord, c'est vraiment, donc les Indiens sont sales, pauvres, voleurs, menteurs. Wouh! Il n'y a rien qui va, en fait. Ah, je suis tellement d'accord. T'as abordé tellement de thématiques qu'on prévoit de sur lesquelles on va enchaîner. Mais du coup, on va les prendre tout de suite, parce que tant qu'à faire. Du coup, sur le premier point, peut-être, Mélanie, sur effectivement l'identité du personnage, si tu veux rajouter quelque chose. Je me permets juste de te corriger, Victoire, en toute bienveillance, mais t'as dit les Indies. C'est les hindous. Ah, pardon. Parce que, oui. T'inquiète pas. Autant pour moi. L'hindi, c'est la langue. Voilà. Ah oui, pardon. C'est autant pour moi. Oui, les hindous. Voilà. T'inquiète. Désolé. Et les hindous ne sont pas les indiens. Ça aussi, il faut le dire, parce qu'il y a souvent beaucoup d'amalgames dans les gens quand ils parlent, quand ils disent « Ah, les hindous ». Hindous, ça ne veut pas dire personne qui vient de l'Inde, hein, c'est bien des indiens. Oui, non, c'est une communauté c'est de l'Inde. C'est l'hindouisme. C'est pas pour c'est toi, c'est vraiment parce qu'on le croise vraiment beaucoup. Donc, Ou alors les gens qui disent « les films hindous ». Non, c'est pas ça. Voilà, ah, vas-y, voilà. Mélanie. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Je crois que Victoire, elle a tout dit. Mais effectivement, le fait que voilà, le personnage, il ait des prénoms qui regroupent les trois grandes religions qui sont présentes en Inde, ça représente effectivement tout le pays. Et je pense que rien qu'avec ça, Vikas Swarup, il a tout dit. Tandis que là, dans le film, il s'appelle Jamal Malik et il est musulman. Alors que tu te rends bien compte que dans le film, il n'a pas vraiment de religion, comme tu as dit, Victoire. Il s'adapte à chaque situation. S'il se retrouve face avec des musulmans, il va dire « je m'appelle Mohamed ». Ah oui, avec son copain Salim, il dit qu'il s'appelle Mohamed, du coup, parce qu'il sait que Salim, sa famille a été tuée par des hindous, alors que lui, il est musulman. Et donc, du coup, il est traumatisé des hindous. Et donc, c'est pour ça que Raj va lui dire qu'il s'appelle Mohamed, parce qu'il comprend que Salim a peur, du coup. Et pareil, la relation entre Salim et Raj, qui est hyper mignonne dans le livre, c'est vraiment une vraie fraternité où ils vont se soutenir, etc. Alors qu'ils ne sont pas frères de sang du tout. Et dans le film, on s'est dit, ok, ils sont frères de sang, mais par contre, il y en a un qui tourne bien et l'autre qui tourne mal, qui est méchant, menteur, gangster, violeur. Terrible. C'était affreux. En fait, tous les personnages, à part le personnage principal, sont pourris et corrompus. Et donc, ça donne vraiment une image de l'Inde où tu dis, ok, c'est impossible d'avoir des potes, c'est impossible d'avoir des frères, c'est impossible de compter sur personne. Alors que dans le livre, justement, il y a des gens, bien sûr, sur qui tu peux pas compter, mais t'as des communautés, t'as de l'entraide, t'as de la fraternité, t'as de la sororité. Donc, compliqué. Enfin, ça m'a vraiment fait un choc, ouais. Mmh. Ah ouais, juste un truc qui m'a fait tilter aussi. C'est un détail, en fait, je comprends que dans le film, ils ont un peu gommé ça, mais dans le livre, l'émission, c'est qui va gagner 1 milliard. Et en fait, dans le bouquin, il me semble que Vikas Swarup, il te dit, oui, qui veut gagner des millions, ça existe déjà, mais il y a une autre émission qui a été créée et qui a un titre qui diffère légèrement, alors que dans le film, ils ont bien gagné qui veut gagner des millions. Mais après, tu comprends que c'est pour que ça parle à un plus large public. Bah, moi, il me semble qu'en plus, à l'époque... Non, attendez, je vais intervenir dessus. Voilà. Alors, toute petite correction, c'est pas Raj, c'est Ram. Ram. Parce que ça fait référence en plus à un dieu de la mythologie hindoue, donc le dieu Ram. Pour rebondir, alors du coup, je vais rebondir sur du coup, ce deuxième point qui est sur l'histoire du fait qu'ils ont décidé que ce serait pas qui veut gagner 1 milliard, mais bien qui veut gagner des millions. C'est tout simplement, et d'ailleurs, dans le roman, on te fait très vite comprendre que la société qui gère le jeu, en fait, est complètement corrompue, qu'elle n'a pas l'argent qu'il faut, et qu'elle va changer plusieurs fois les questions pour l'arranger, que normalement, c'est l'émission numéro 15, et qu'il n'est pas censé arriver jusqu'au bout, etc. Bref, le roman montre à quel point l'Occident, en fait, a une implication aussi en Inde, et fait tout simplement un jeu qui est corrompu. Sauf que dans le film, on ne te parlera jamais de l'extérieur, on ne te parlera jamais des étrangers ou de l'implication de l'Occident, hormis à travers des touristes qui sont tous naïfs et très gentils et qui aiment bien donner de l'argent. Et donc, tout simplement, parce que les producteurs de Slumdog Millionaire sont les producteurs, en fait, du jeu de qui veut gagner des millions. Il s'agit de Célador. Et donc, je me permets de citer deux petites choses. La première, c'était donc Simon Beaufoy, qui est donc le scénariste, et qui nous dit... Tout au long du processus, nous avons dû faire très attention à ne pas donner l'impression que la série Qui veut gagner des millions semble corrompue. Nous avions un accord avec la société qui réalise Qui veut gagner des millions. Cela nous a permis d'utiliser tous leurs titres, toutes leurs configurations, la musique et tout. Mais l'accord était que nous ne pouvions pas détruire la réputation de la série. J'ai donc dû mettre tout cela sur l'autre-prem à la place. Parce que de toute évidence, vous faites des films comme Slumdog Millionaire pour les gens de l'Ouest parce qu'ils sont les payeurs. Et donc il était évident que tout ce qui allait entacher un peu la réputation de l'Occident, et en particulier de ce jeu-là dans le film, allait totalement disparaître, alors que Vika Swarup, plusieurs fois, fait quand même bien référence au fait que, voilà, il y en a qui se servent bien de la situation également. Et pour revenir sur l'identité du personnage, et puis finalement ce que tu voulais sous-entendre, je pense, Victoire, c'est que, à la base, Vika Swarup veut absolument montrer un personnage qui est neutre, qui représente l'unité de l'Inde, et donc finalement qui ne vise aucune communauté. Même quand on a les enfants qui sont agressés sexuellement, on va avoir trois chapitres pour viser les trois communautés. Mmh. On va avoir un acteur musulman, un père hindou et un prêtre catholique. Sauf que là, la première fois où tu vois marqué Jamal Malik, tu te dis bah, pourquoi tu vises spécifiquement un musulman, en fait. D'ailleurs, c'était dès le début, parce que moi, j'ai retrouvé les premiers scripts du film, et à la base, il devait s'appeler Amir. Donc, quoi qu'il arrive, on sait que c'est un prénom à consonance musulmane. Et quand tu regardes le film, donc, il y a Jamal Malik, Salim Malik, l'autre gros mafieux du bidonville, et qui sera le grand antagoniste à la fin, c'est Javed Khan. Donc, tu sais que tout le long du film, tu vois une communauté, en fait, musulmane, qui est donc mafieuse, qui exploitent des enfants, c'est des gangsters, ils font du trafic, ça tue des gens. Et tu te dis, ben, comment ça se fait qu'ils aient décidé de viser cette communauté en particulier? Et il faut remettre un peu en contexte le film. On est en 2008 quand il sort. Or, on a eu les attentats de 2001 qui ont ébranlé le monde, mais pas seulement. On a eu tout un tas d'attentats en fait en Europe. Je pense que tout le monde a un petit peu... Et à Londres, dans le métro de Londres aussi. Tout à fait, on en a eu partout en Europe, notamment en Espagne, où ça a fait 200 morts en 2004, et à Londres en 2005, où il y a eu une cinquantaine de morts, il y a eu 4-5 attentats à la bombe en même temps. Ça a énormément ébranlé la Grande-Bretagne, et en fait c'est à partir de ce moment-là où vraiment le cinéma va prendre un tournant où, qui va être clairement islamophobe à travers tout le monde, hein, l'Amérique, etc., les séries, d'un seul coup, les personnages ne sont plus décrits de manière positive, ça devient compliqué. Et là, on se retrouve avec ce film où, pareil, au lieu de garder cette unité, ou même de choisir que le personnage s'appelle Ram, parce que quand même, rappelons que l'Inde, c'est 80% d'hindous, donc tu pourrais te dire, bah, je vais plutôt prendre la majorité religieuse. Non, il décide de prendre un musulman, surtout et comme tu l'as dit, Victoire... Si je me trompe pas, en plus, dans le roman, il y a un passage où il parle notamment de la guerre contre le Pakistan, entre l'Inde et le Pakistan, et qui est aussi marqué justement par le fait que le Pakistan soit un pays plutôt majoritairement musulman versus l'Inde, qui justement est une majorité hindoue. Donc ça, même ça, ils en parlent dans le roman. Donc ça a vraiment été... Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Oui, et tu l'as dit, en fait, l'idée inconsciente ou consciente derrière ce film, c'est d'avoir le bon et le mauvais musulman. Oui, bah oui, clairement, c'est sûr. Jamal, c'est le bon musulman. Tu ne le vois pas pratiquer, il essaye de s'intégrer au maximum. Ce à quoi après il court, c'est l'amour, il aime la vérité, il est plutôt docile. Et à côté, on a Salim. Salim, il regroupe tout. Il boit, il fume, il va violer, c'est un gangster, il tue, il aime le pognon. Et... plus ça va, plus il est adulte et plus on voit qu'il est religieux. Là, quand tu le retrouves pour la première fois adulte, la première phrase qu'il dit à Jamal, c'est « God is great », « Dieu est grand ». Et il va le répéter 7 ou 8 fois tout au long de son passage à lui quand il est adulte. On va le voir prier, alors que c'est une scène qui en soi ne sert à rien. Et tu te dis pourquoi subitement tu décides de nous faire montrer une personne qui prie et ça va être lui. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est la dernière scène de Salim, qui est celle de sa mort, où il pourrait très bien partir avec la tika. Non, il décide de prendre un revolver, de s'enfermer dans la salle de bain. Dans le script d'origine, il devait faire encore une prière. Et il fait ce qui ressemble littéralement à un attentat suicide. En fait, il s'enferme, il laisse rentrer les antagonistes, il essaye d'en emporter autant qu'il peut avec lui en même temps qu'il meurt. Et quand il meurt, sa dernière phrase, c'est « God is great », « Dieu est grand ». Soit, s'il l'avait dit dans une autre langue, en gros, il meurt en disant « Allahu Akbar », quasiment. Et donc, t'as une mise en scène où Salim meurt dans ce qui ressemble à un acte kamikaze. Et je me dis, tu imagines, tu es musulman ou musulmane en 2008, tu vas au ciné parce qu'on... Enfin, ça fait déjà 3-4 ans que tout le monde te regarde un peu de travers, que ta communauté est stigmatisée, où on assimile en gros les musulmans à des terroristes. Tu vas au cinéma, on te dit « Ah, super, c'est le nouveau film, il a 8 Oscars, tu verras, il est trop bien, tout le monde l'adore. » Et là, tu vois tout un film où ta communauté, c'est la mafia, qui exploite des gens, qui tue des gens, et où le seul personnage religieux, c'est celui qui meurt quasiment comme un kamikaze. Bah... Et d'ailleurs... Paye ta séance, que... quoi. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi est-ce qu'il meurt dans une baignoire remplie de billets ? Parce que Jamal, il remporte l'amour, bon, et l'argent, et Salim, il meurt dans sa cupidité, dans sa recherche. Je pense que c'est aussi l'argent, le côté argent sale, parce que du coup, l'argent va être plein de sang, donc c'est pour montrer qu'en plus, enfin, c'est... Au pire, tu décides d'en faire... Il pourrait se suicider tout seul, enfin, juste, il se met une balle dans la tête et c'est fini. Mmh. Sauf que là, il y a un choix de mise en scène... Oui, c'était un côté un peu... Vraiment, ouais. Ça m'a marqué. Culminant, Et d'ailleurs, je me permets de citer encore une fois Boyle, qui avait fait une interview pour le Figaro en 2009 et qui avait dit « Je n'ai jamais ressenti de danger, à l'exception d'un bidonville musulman où nous nous étions rendus au moment des repérages. Nous n'avons pas tourné dans ce lieu où on nous montrait du doigt en criant « Bouche, bouche !» et où les drapeaux pakistanais flottaient à chaque coin de rue. » Alors, je voudrais juste rajouter un petit truc du coup sur le scénariste, donc Simon Beaufoy. J'ai vu ça, ce qu'il a dit sur le site Allociné. Donc, il a eu du mal à transformer le livre en film. Il a dit « La principale difficulté était de préserver l'esprit de l'œuvre originale tout en transformant les personnages littéraires en personnages cinématographiques. Le livre se présente sous la forme de 12 nouvelles qui ne suivent pas le personnage de sa naissance à l'âge adulte. C'est plutôt décousu et certaines apparaissent comme de petits contes discrets sans aucun lien avec les personnages principaux. Il n'y a pas de fil conducteur continu dans la narration. And the book is a sort of series of 12, effectively 12 short stories really. Some of which are linked and some aren't, which is very difficult to turn that into a film. A woman at Film 4 in Britain called Tessa Ross, she put the book in front of me and said, look, there's something amazing in this, but it's not a film. So I had to go to Mumbai to find the film. And when I went to Mumbai, kind of everything became clear, really. Bah, je suis pas d'accord. Enfin, c'est juste que les scènes ne sont pas dans l'ordre chronologique, effectivement, parce qu'on est dans l'ordre des questions posées. Et donc, ça, de toute évidence, il va à chaque fois faire référence à une scène de sa vie, c'est pas dans l'ordre chronologique. Mais de là à dire que ça n'a pas de lien les uns avec les autres, ça je suis pas d'accord, parce que bah déjà ça aide à comprendre la personnalité de Ram, d'une part, et d'autre part, ça montre encore une fois l'Inde, ça montre une société, ça montre des façons de vivre, c'est pas manichéen, c'est juste des scènes de vie, mais il y en a qui ont plus d'importance que d'autres. Ah non, mais moi quand j'ai vu, parce que je l'ai vu passer ce commentaire aussi, ça m'a fait sauter au plafond, et Danny Boyle a dit la même chose. Pareil, dans l'interview du Figaro en 2009, il avait dit « Le roman ne m'a pas beaucoup inspiré, selon moi il est trop décousu, manque de structure et de lien, pour être honnête, je préfère de beaucoup le scénario. » Et j'ai fait « Ok, comment ça crache sur le bouquin que tu utilises quand même, ça va, t'as pas trop honte. » Mais surtout qu'en plus, dans le commentaire que je viens de lire, t'as le scénariste qui dit « Ouais, la principale difficulté c'était de préserver l'esprit de l'œuvre originale. » Mais vous l'avez pas du tout préservé. Mais ouais. Non mais on est d'accord que les mecs ils ont mis la quatrième de couverture et puis c'est tout. Ouais. Enfin ils ont vraiment il y a une espèce d'appropriation quand même à travers ce roman. Moi je trouve que ils se ont pas dit compris, on va garder le concept de base, un pauvre qui gagne et qui veut gagner un million, on va tout changer. Et je me suis dit et après on va te dire que c'est le meilleur scénario adapté. Enfin tu te fiches de moi. Bah oui, et puis comme tu disais Victoire, moi je trouve aussi qu'il n'y a rien d'anecdotique dans tous les personnages qu'il rencontre, parce que tu te rends compte qu'à chaque rencontre ça dénonce quelque chose, justement, bah voilà, les violences faites aux femmes ou aux enfants. Quand il rencontre le vieux soldat, bah ça te parle de la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Enfin, il est super chapitre, ce chapitre en plus, parce que c'était vraiment, ça mettait en avant le vieux soldat qui disait qu'il avait participé à la guerre de 71, à la guerre qui se passait du coup là dans les années 2006-2007. Enfin, ça raconte tellement de choses aussi sur, moi je, j'y connais rien à l'histoire de l'Inde, donc ça m'apprenait énormément de choses. Et puis même du coup, t'avais le côté les enfants qui disaient ah, les héros de guerre, le patriotisme, et versus les adultes qui sont en mode, mais en fait la guerre c'est pas marrant, enfin... Encore une fois, je pense que si le livre avait été écrit par un blanc et qu'il se passait dans un autre pays, peut-être que ça aurait pas eu ce genre de commentaires, parce que pour moi, c'était pas du tout... rien n'était anecdotique. Enfin, l'histoire aussi, moi, un des chapitres qui m'a le plus bouleversée, c'est celui de l'actrice, avec Nalimi, l'actrice qui a 40 ans, et qui est une ancienne actrice très célèbre, et Ram devient domestique pour elle. Et il y a tout un propos sur le vieillissement des femmes, sur la baisse de la célébrité, sur... Enfin, c'était très chouette comme chapitre, et ça aurait été sur une vieille actrice de Hollywood vieillissante, tout le monde aurait trouvé ça bouleversant. Mais là, je sais pas, parce que ça se passe en Inde, tout le monde s'en fout. Enfin, moi, ce chapitre, il m'a bouleversée. Non, mais il faudra qu'on revienne sur la place des femmes dans Slumdog Millionaire versus le roman. Ça va faire un objet d'un point aussi, c'est pas mal. Juste pour continuer sur la partie commentaires, avec Mélanie, je pense qu'on a regardé beaucoup de commentaires presse et podcasts aussi, et même dans les podcasts récents, en fait, il y a une certaine façon d'aborder ce film et d'en parler, et je pense qu'il faut qu'on parle un petit peu du concept de poverty porn, c'est-à-dire le porno de la misère, qui est ressorti beaucoup après dans les analyses. Parce que oui, il faut savoir que du coup, moi, de par mon métier, je peux regarder énormément de publications scientifiques qui sortent. Et en fait, il y a énormément de travaux qui ont été faits en Inde sur ce film et qui sont très intéressants. Je vous mettrai tout ça en description de l'épisode, là où l'Occident s'est pas trop foulé. Mais parlons un peu des commentaires presse et podcasts. Ce qui ressort beaucoup quand tu cherches à savoir ce que les gens ont pensé de ce film, c'est que vraiment, tu as un vocabulaire... Il faut le choisir un peu. C'est-à-dire que quand tu vois, on te dit « Ah, c'est exotique. Ah, c'est feel good. Ah, ça montre la réalité. » Ça, c'est un gros problème aussi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelque chose d'ambivalent parce qu'on n'arrête pas de te dire « Ah, ça montre la réalité. » Comme si ce film était presque un documentaire. D'ailleurs, il y a eu je vous lirai quelques commentaires presse, c'est fascinant, qui trouvent que le film est presque un documentaire. Et dans le même temps, on ne va pas arrêter de te dire « Ah, mais c'est quand même un conte de fées moderne. Ah, c'est très Charles Dickens avec ce petit enfant des rues et en même temps, à la fin, il triomphe, il a l'argent et la meuf. Ah, ça fait vraiment Cendrillon, tu vois, il était pauvre et puis un jour, c'est un prince. » Et tu dis « Bon, c'est très ambivalent. » Enfin, c'est très paradoxal de considérer à la fois que c'est un conte de fées et en même temps, c'est la réalité. Et enfin, globalement, la façon dont ça en parle, moi, je trouve ça vraiment problématique. Et ça reflète ce qu'on appelle ce fameux porno de la misère. C'est-à-dire que le but, c'est pas vraiment de parler de la misère en elle-même, de dire d'où elle vient, quels sont les mécanismes, parce qu'on les connaît très bien, les mécanismes notamment de la misère en Inde, et il faut remonter à la colonisation. Mais globalement, c'est juste que ah, ça sert de décor. Tu vois, au lieu d'avoir une île avec une plage et des palmiers, on se dit tiens, la misère en décor, c'est pas mal. Et puis après, on va faire une histoire dedans. Et voilà, c'est tout, ça va pas plus loin, c'est juste là pour faire pleurer un peu, et ouais, c'est vraiment problématique. Clairement, clairement. Typiquement, encore une fois, la scène où il saute dans le caca, ça n'est pas dans le roman, enfin, ça c'est vraiment, je me suis dit, c'est le détail supplémentaire pour vraiment montrer, vous avez vu, ils vivent dans leur propre merde. C'est dégradant. C'est moi, dégradant. Je l'ai trouvée dégradante, et je me suis dit, en fait, tu n'exprimes rien à travers cette scène. Tu n'es même pas en train d'essayer un minimum de parler de la question de la sécurité sanitaire, tu vois. Exactement. Des problèmes sanitaires. Parce que c'est pas comme si ça manquait, ça aussi, des films indiens qui parlent de ce sujet. À aucun moment, ils essaient de donner une raison à pourquoi c'est là, comment s'en sortir, comment améliorer le truc. C'est juste, on va le foutre dans le caca, il y a toute la salle qui va faire « Oh, t'as vu, ils sont sales et tout. » Et ça m'a saoulée. Ouais, la question de l'hygiène en plus, enfin... Pourtant, elle est abordée aussi dans le roman, mais différemment. Par exemple, des fois, tu as des phrases où ils disent « Les femmes nettoient le linge dans l'eau des égouts. » Donc, ça te donne le fait que tout le monde n'a pas accès à l'eau courante. Voilà, tu as une question où les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Je sais pas, ça m'a vraiment répugné cette scène. Et effectivement, je vois ce que tu veux dire avec le poverty porn, c'est vraiment... qu'est-ce qu'on pense de l'Inde? On pense que les gens n'ont pas l'eau courante et qu'il y a de la merde partout. Bah voilà, c'est ce qu'on montre. Super. Enfin... Donc juste pour vous donner allez, quelques petits exemples, j'ai trouvé mes extraits favoris. Et vraiment, je vous invite à regarder le champ lexical qui est employé pour parler du film. Alors, on a Roger Ebert, qui est journaliste américain, critique de cinéma pour le Chicago Sun-Times, qui nous dit l'attrait universel du film et qu'il présente pour la première fois la véritable Inde aux cinéphiles. MDR. Après, on a le Washington Post qui nous dit un portrait sans faille de la pauvreté abjecte, de la criminalité, de la corruption et des tensions communautaires de l'Inde. J'aime beaucoup le portrait sans faille, hein, genre vraiment, c'est un documentaire. Non, et puis c'est surtout, ouais, moi c'est le côté criminalité encore qui m'a vraiment gênée dans le film, parce que pour le coup, dans le roman, bah déjà, Ram, à plusieurs moments, il a des vrais boulots, enfin, il a des oui vrais boulots, des, ouais, des, où il est il est serveur, il est domestique, il est guide, mais il est pas voleur ou impliqué avec des gangs. Alors qu'en fait, bah, l'Inde, c'est une société comme beaucoup de sociétés où t'as une myriade de métiers différents. Enfin, t'as des cinémas aussi, tu vois. Dans le livre, ils vont beaucoup au cinéma parce que Salim est un gros cinéphile. Et par contre, dans le film, la culture n'existe pas. Enfin, c'est... Et même là, au niveau des questions d'ailleurs qui sont posées dans le jeu télévisé dans le film... Des fois, c'est des questions, c'est « dis ton prénom ». Enfin, les questions sont teubées. Hein. Alors vraiment. Que dans le livre, les questions, des fois, elles sont vraiment dures. Enfin, c'est pointu, tu vois. Et oui, du coup, le comme, fait qu'il les sache... Comme dans le jeu de base. Bah oui. Et là, des fois, ouais, les premières questions, elles sont vraiment... C'est un peu des questions neuneux, quoi. Enfin... Non, mais en gros, si tu viens des bidonvilles, tu es bête. C'est ça que dit le film. Parce que, notamment, il y a une question, pareil, elle m'a frappée. C'est sur celle où il connaît pas la devise de son pays. Oui, alors que oui les trois autres propositions sont complètement connes. Ah, j'ai halluciné. Pire, c'est qu'il dit, je vais prendre l'avis du public. Et je me suis dit, pardon, vous aviez pas mieux pour représenter ces gens. Déjà, t'es pauvre, mais en plus, t'es con. Sur l'emblème national de l'Inde... On peut voir trois lions. Quelle est la devise qui figure au-dessous ? S.A. Seule la vérité triomphe. B. Seul le mensonge triomphe. C. Seule la mode triomphe. Ou D. Seul l'argent triomphe. À votre avis, Jamal ? La devise la plus célèbre de notre pays. Vous voulez téléphoner à un ami ? Non, le vote du public. Alors qu'on a quand même montré que le gamin va à l'école et qu'il apprend les trois mousquetaires, mais il est tellement con, parce qu'il est pauvre, en gros, qu'il connaît pas la devise de son pays et qu'il arrive pas à deviner si c'est pas... En gros, les autres propositions, c'est limite si c'est pas réponse B, à l'autre, une fille, t'as pas de shampoing. C'est exactement ça, alors que dans le roman, où là, c'est un peu compliqué, enfin, si tu le sais pas, tu le sais pas. Et pour le côté, l'économie, pareil, en fait... Faut comprendre que Dharavi, même si c'est un énorme bidonville et qui représente 50% de la population de Mumbai, il y a une énorme économie. Ça génère beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup d'artisanat, des gens qui travaillent dans le BTP. Ça s'exporte à l'international. Oui, ils sont dans des conditions précaires, mais n'empêche qu'ils génèrent de l'artisanat et du travail qui s'exporte à l'international. Et c'est une grosse zone de création d'économie. Sauf que là, tu les vois pas, ces gens-là. T'as l'impression qu'on te dit, regardez, c'est tous les SDF du coin qui sont... Et puis, ils foutent rien. Et puis, sinon, ils vendent de la drogue et ils tuent des gens. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est des gens qui attendent que le temps passe, qui vivent dans la misère, la pauvreté, la saleté. Et c'est tout. C'est ça, leur vie. Puis surtout, moi, du coup, j'ai pas compris, parce qu'il y a une scène au début du film où il va brièvement à l'école, dans son bidonville. Et à l'école, on leur parle des trois mousquetaires. Je me suis dit, alors, est-ce que vraiment c'est ça le premier truc que t'apprends aux enfants indiens, c'est les trois mousquetaires ? Tu vois, encore si ça avait été un roman britannique, pourquoi pas ? Parce qu'à la limite, tu peux dire, bon, les restes de la colonisation, la culture et tout. Mais là, les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, un roman français qu'on apprend aux enfants dans une école de bidonville, enfin... Quel rapport ? Ah non, mais je suis d'accord. Et même russe, ils auraient pu mettre du russe, parce qu'en vérité, la culture russe, et notamment la littérature russe, est énormément présente sur le territoire indien. Ah, j'ignorais. À la limite, ça... ouais, et ben, on vous renvoie sur notre article sur les coproductions indo-soviétiques. Mais... Et donc voilà, mais je suis d'accord. La première fois, j'ai vu les trois mousquetaires, je fais « Ah bon ?» Mais c'est surtout, je trouve en plus que dans le film, il y a plus de questions où t'as l'impression qu'il réussit à y répondre un peu au hasard, par chance. Alors que dans le livre, il a bel et bien la réponse à chaque question. Ouais. Alors juste pour terminer sur la partie commentaire après ces podcasts, donc je vais vous lire une dernière critique que je surkiffe, vous allez voir, elle est incroyable et je me dis... bon bref. C'est le New York Times en 2008 qui nous dit... Véritable explosion de couleurs, de sons et de mouvements, Slumdog Millionaire, le dernier film du métamorphe britannique Danny Boyle, ne passe pas par les bas-fonds, mais rebondit allègrement d'une horreur à l'autre. Conte de fées moderne sur un pauvre qui cherche à devenir prince, cette explosion sensorielle se déroule en grande partie dans la misère de Mumbai, en Inde, où des enfants et des chiens perdus fouillent dans des ordures si fétides que l'on jurerait pouvoir sentir la mangue jetée aussi bien que son écorce, ou que l'on pourrait le faire si le film ne se précipitait pas déjà dans un autre caniveau pittoresque. Mon Dieu, mais il n'y a rien qui va. Est-ce qu'on se rend compte du champ lexical? Alors moi, je me suis dit... Tiens, j'essaye d'imaginer ce que ça ferait si des gens qui sont mal comme ça, de misère, décidaient d'aller genre à Nation ou du côté du périph' du 13e dans Paris. Parce que si jamais vraiment vous trouvez ça exotique, la misère, je vous assure, à Paris, on peut en trouver très facilement. Et je m'étais dit, imaginez si quelqu'un revenait et disait « Oh là là, cet amas de tentes érigées vers le ciel, comme autant de toits de chalets dans les monts vosgiens, nous plonge dans les tréfonds d'une pauvreté chatoyante de par son explosion de tissus imperméables bariolés. » T'imagines, t'as quelqu'un qui voit... Ou les coquilles d'escargot jonchent les tas d'ordures. Les gens voient des SDF et on te sort un truc comme ça, genre « Waouh, c'était vraiment un voyage, un dépaysement de voir ces SDF sur le bord du périph'. » Enfin, je sais pas, mais jamais les gens se permettraient d'écrire des trucs pareils sur un film qui parle de misère en France, par exemple. C'est presque de la fétichisation, enfin... Mais attendez, c'est Charles Aznavour. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. C'est en Inde, c'est exotique, donc ça va, tu vois. Mais je voudrais juste reprendre un truc là sur la critique que t'as lue, Julie. Genre, le pauvre qui cherche à être riche, c'est même pas du tout ça. Non. Que ce soit le roman ou dans le film, le gars, il en a rien à foutre de la thune. Dans le bouquin, c'est « la tika, gna gna gna ». Et dans le bouquin, c'est il veut se venger. Voilà, c'est pour Nita qui fait ça. Il veut se venger de Prem Kumar. L'argent n'est pas important pour lui, en fait. Et même ça, les critiques l'ont pas compris. Ouais, mais en fait, c'est vraiment choquant de voir le vocabulaire employé. Pareil sur une critique de Le Monde. Enfin, vraiment, ils étaient en mode ah, oh, c'est les montagnes russes de la misère. Tu vois, bah, c'est pas fun. C'est pas un parc d'attractions, en fait. Ouais, c'est ça. La misère, c'est et pareil, en fait, ça passe parce qu'à la fin, ça finit bien, en fait. Je pense que c'est aussi pour ça que, du coup, c'est romantisé, parce que, en fait, à la fin, ça se termine bien. Il gagne le jeu, il retrouve sa meuf. Et si, je me demande comment ça aurait été perçu si, au contraire, le film avait une fin très tragique. Ça va, à la fin, il danse, alors c'est que tout va bien. Bah oui. Il y avait une... Une chercheuse, ou en tout cas une autrice indienne, ouais, qui, dans une de ses publications, disait que si le film avait fonctionné, alors... S'il avait fonctionné, c'est parce qu'en fait, il ne demande rien au spectateur en termes d'implication. Parce qu'effectivement, comme ça se termine bien, et aussi parce que finalement, l'origine de toute cette pauvreté n'est jamais incombée à l'Occident. Alors qu'encore une fois, je rappelle qu'il y a eu la colonisation et les deux guerres mondiales qui ont totalement appauvri le pays, et ils se sont barrés tranquillou. Comme en fait, ça ne demande rien au spectateur, le spectateur, il sort, il se dit pas « Oh, c'est ma faute, oh, j'ai une implication, oh, je pourrais faire quelque chose », c'est « Oh, bah, il y a ça, c'est presque normal, en fait, c'est comme si le pays était né comme ça, tu vois, et qu'en fait, il voulait pas en sortir, et que comme, de toute façon, ça se termine bien, bah, pff, finalement, voilà, le spectateur, il a pas à s'impliquer, ça exige rien de sa part ». Et aussi que peut-être ça avait eu du succès, notamment auprès des Américains, parce qu'il y a un côté un peu... self-made man, où c'est vraiment un peu rêve américain, celui qui part de rien et qui, grâce à un jeu capitaliste en plus, obtient tout, la meuf et la thune, et que voilà, il y a vraiment un petit côté rêve américain derrière. Et aussi via ses valeurs morales, enfin le fait qu'il refuse de faire partie d'un gang, qu'il refuse les magouilles. Alors juste avant de faire une petite pause musicale justement sur le fameux J-Ho, revenons très vite fait sur J-Ho, pas sur le clip final, ça on y reviendra un peu après, mais vraiment sur la musique des Pussycat Doyle. Ah. Alors, en fait, donc, la chanson à la base est composée par A.R. Hartman, et les producteurs des Pussycat en fait, vont découvrir la chanson au moment où le film commence à avoir un petit peu de notoriété, et ils se disent « Tiens, on va faire une version pop pour relancer l'album en fait, Doll Dominion des Pussycat, qui a été un échec à ce moment-là. » Et sans surprise, la chanson est un succès colossal, elle va rafler des tonnes de disques de platinium, elle finit en haut des classements, elle est performée dans la tournée US de Britney Spears, et c'est là que Jean-Pierre a une question pour vous. Alors, Gros succès, certes, mais ce n'est jamais sans conséquence. À votre avis, quelle a été la conséquence du succès phénoménal de la reprise de J-Ho par les Pussycat Dolls? Pussycats Dolls, d'ailleurs. La conséquence? Réponse A. Ouais, la conséquence. Réponse A. Elles ont été poursuivies en justice pour droit d'auteur. Réponse B. La chanson a été interdite de diffusion en Inde. Réponse C. Le groupe s'est séparé. Réponse D. Les producteurs ont tenté une reprise pop de toutes les chansons du film, mais sans succès. Voilà. Après, c'est vrai que la chanson qu'ils ont faite, elle est du coup en anglais, à part J-Ho. C'est J-Ho, entre parenthèses, You Are My Destiny, si je me trompe pas. Tout à fait. C'est ça. Ou l'inverse, je sais plus. Mais Non, si, c'était ça. J-Ho, You Are My Destiny. C'est vrai que maintenant ça n'existe plus les Pussycat Dolls, mais est-ce qu'elles se seraient séparées à cause de J-Ho? Ça me paraît quand même une conséquence très dramatique. Je sais pas, ça me paraît too much quand même. Vous voulez que je vous redise? Ouais, vas-y, redis. Réponse A, elles ont été poursuivies en justice pour droit d'auteur. Réponse B, la chanson a été interdite de diffusion en Inde. Réponse C, le groupe s'est séparé. Ou réponse D, les producteurs ont tenté une reprise pop de toutes les chansons du film sans succès. Réponse A. Moi, je dirais A aussi. Eh bien, vous avez toutes les deux faux. La conséquence, c'est bien que le groupe s'est séparé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que si on regarde bien la chanson de J-Ho et la reprise, en fait, il n'y en a qu'une qui chante dans tout le groupe. Ah, et c'est Nicole Scherzinger. Ouais. Mais de toute façon, c'est elle qui chante à chaque fois dans toutes les chansons des Pussycat Dolls, non? Non, en fait, normalement, elle chante toutes. Ouais, mais elle, elle est un peu la leader, mais normalement... Ouais, qui était tout le temps mise en avant, de toute façon, dans tous les clips, il y avait... Pas que, non, non, normalement, c'est vraiment... Quand tu regardes les Wayne Group ou... Push My Button, un truc comme ça. Bref. Et en fait, du coup, comme dans cette chanson, c'est vraiment elle qui chante quasiment en solo, et que la chanson, du coup, a été performée partout, sur tous les plateaux, que ça s'est retrouvé en première, notamment des concerts de Britney Spears aux US. En fait, du coup, ça a créé des tensions pas possibles dans le groupe, qui ont dit, bah attendez, pourquoi il n'y a que elle qui chante et qui est en train de faire sa carrière? Et ça a pris de telles proportions que le groupe s'est séparé à l'issue de J-Ho. C'est triste. Un peu le karma quand même. Ouais, bien sûr, mais moi, j'avoue, j'aime bien cette chanson, je la trouve cool. Alors, j'ai juste une anecdote. Eh bien, cette chanson, en 2009, le Parti du Congrès a acheté les droits pour 200 000 $ pour l'utiliser dans le cadre de sa campagne pour les élections législatives indiennes de 2009. Oh non ! Si. Mais attends, ils n'ont pas pris la musique originale ? Non, non, ils ont pris celle Ils auraient pu prendre celle de Rahman quand même, oh ouais. Puis passons aussi le fait que le clip est rempli de placements produits d'appropriation culturelle, mais bon, c'est... Petite pause musicale avec quelques extraits, vous allez voir, d'audio, de radio, podcast et tout sur le film pour bien comprendre ce qu'on disait juste avant, le côté très exotique comme vision de ce film. Et on se retrouve juste après. Comment un pouilleux comme lui peut-il répondre aux questions? Moi, je trouve que c'est un film qui est génial, déjà rien que pour sa réalisation. T'as la maestria de Danny Boyle. Tu vois les bidonvilles dans leur misère la plus crasse? Mais c'est beau, c'est hyper esthétique, en fait, c'est hyper bien filmé. C'est vraiment le reflet d'une grande ville, quoi. Sa zone de pauvreté qui est montrée en grand plan de façon remarquable. Parce que bah, j'ai peur que ce soit malheureusement assez proche de la réalité, peut-être. Il arrive à montrer la misère de façon poétique. Ça me donne honte d'être riche. Mais c'est beau. Et vraiment, voilà, c'est un film de voyage. Comment il représente la misère en Inde et cette réalité qui est juste horrible. Et qui ça donne pas tellement envie de partir en vacances en Inde. De ce film émouvant, drôle, terrifiant. Coloré, romanesque, incroyable. C'est vraiment une méga réussite, c'est aussi tendre que cruel. Cette fable tragique se termine, c'est magnifique, façon Bollywood. Moi j'adore la Corée Bollywood à la fin. Moi j'aime pas du tout. Ah, ouais, moi non plus, moi, vraiment, je trouve ça nunuche. आजा जिंदे शामी आने के तले हैं आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हैं Du coup, après cette première partie qui est bien dense, on va s'intéresser un peu plus au film. Je vous propose de le découper en plusieurs parties. L'intro, l'enfance, l'adolescence et la vie de jeune adulte. Et au sein de ces périodes, d'aller voir des thématiques un petit peu précises. Donc là, pour l'intro, en fait, on a un petit peu anticipé tout à l'heure, je voulais qu'on parle de l'identité des personnages, puisque la première scène, on croise du coup Jamal, qui est dans une ambiance jaune, un peu urine, moche, où il se fait latter par un policier, où il nous dit qu'il s'appelle Jamal Malik, et donc on en a discuté tout à l'heure, notamment au sujet de son identité et de celle de Salim. On reviendra sur l'Attica un petit peu plus tard. La deuxième scène de l'intro, c'est cet écran-titre qui, du coup, nous dit que voilà, Jamal est à une question de gagner les 20 millions de roupies et on nous propose trois propositions. Il a triché, il a de la chance, c'est un génie ou c'est écrit. Et la fin du film nous donnera, du coup, la réponse à ces quatre questions et donc notamment la vision de Danny Boyle sur le jeu. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet écran-titre ? Et est-ce que vous aviez une idée de ce qu'allait choisir Danny Boyle comme réponse et donc du coup un peu sa ligne directrice dans le film ? Bah, si tu connais pas le bouquin, en vrai je trouve que c'est pas mal. Parce que t'es déjà dans le jeu et t'as un petit peu l'impression que tu vas jouer toi aussi. Donc j'ai trouvé que c'était assez sympa. Ouais, moi je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec Mélanie. Et en plus ça donne aussi le côté conte de fées destin. Et ouais. C'est toujours... Enfin, voilà, ça, je trouve que ça fonctionne bien quand même, le côté c'était l'écrit, c'était le destin. Moi je trouve que ça fonctionne bien. Ça enlève un peu le mérite de Jamal, mais je trouve que c'est chouette. Oui. Enfin, c'est le destin de Jamal. ça me fait penser à ça. Et bien justement, tu me lances une bonne perche, parce que effectivement, d'un point de vue cinématographique, en fait ça marche bien de démarrer avec cet écran titre, etc., et d'avoir la réponse à la fin. Mais d'un point de vue des choix qui sont proposés, là, ça me pose beaucoup plus problème, parce que, sachant que Boyle va choisir « c'était écrit », il fait donc tout reposer sur la destinée, sachant qu'en plus, on parle de l'Inde, donc on parle d'hindouisme et notamment de prédestination, du fait que ton destin, il est tracé, l'astrologie est extrêmement forte dans le pays. Et donc, ça me pose problème, parce que justement... ça enlève toute notion de travail et de mérite. Si on regarde les propositions, il a triché, il a de la chance, c'est un génie, et c'est écrit, ça sous-entend que déjà, ça relève de l'ordre de l'exceptionnel. Si tu es pauvre et que tu gagnes, que tu as des bonnes réponses et que tu deviens riche, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Et voire même, c'est de l'ordre de la tricherie, donc ça veut dire que tu ne l'as pas acquis de façon honnête. Et c'est très individualiste, et ça sous-entend que ça repose aussi beaucoup sur des conditions extérieures. Donc le destin, la chance, être un génie, voilà, c'est un coup de bol. Et je sais pas, je trouve que choisir en plus c'est le destin, ça sous-entend que si tu es pauvre, c'est parce que tu es fait pour être pauvre, et si tu deviens riche, c'est parce que tu es fait pour être riche. Et ça m'embête. Moi je l'ai pas du tout pris comme ça, très sincèrement, parce que de base, t'es pas censé arriver à la dernière question de qui veut gagner des millions, enfin ça n'arrive pas en fait, quel que soit le pays dans lequel tu joues, enfin moi qui ai beaucoup regardé la version française. Mais pourtant il y en a eu jeune, plein, hein. Il y en a eu en Inde aussi, hein. Oui, bien sûr, mais c'est quand même pas, c'est pas la norme, tu vois, tu... Ouais, en vrai, avant. La plupart des gens s'arrêtent avant. C'est au second palier. Mais oui, voilà. Je crois que c'était à 48 000 euros, un truc oui, comme ça. Oui, 48 000, souvent, c'est une bonne... Ouais, carrément. Mm. Mais tu vas rarement jusqu'au million. Donc, pour moi, ça... Enfin, je le prends pas comme ça, parce que pour moi, c'est quand même de base un jeu où t'es pas censé gagner facilement. C'est censé être quand même très difficile. Et en plus, à la fin, souvent, ils te mettent des questions quasiment impossibles pour te saboter. Donc, moi, je l'ai pas trop pris comme ça. C'est vrai que... Mais c'est pas dans le côté littéral de gagner le jeu, c'est dans la symbolique. C'est-à-dire que derrière, il y a une symbolique de sortir de sa condition. L'Attica, elle le dit à un moment donné dans le film, enfin, quand Jamal, il dit « Oh là là, mais pourquoi tout le monde regarde cette émission ?» Et elle dit « Parce que c'est un moyen de s'en sortir. » C'est la symbolique qui est derrière, en fait. C'est que là, on te montre que pour t'en sortir, déjà, il faut gagner de l'argent. Et que en gros, toutes tes expériences, elles ont un prix, elles correspondent à un palier. Et derrière, c'est plutôt la symbolique de comment tu t'en sors. Et lui, derrière, il met ça sur la destinée. Enfin, je sais pas. Moi, il y a un truc qui m'embête. Je trouve qu'on est en train de te dire que c'est le destin. Si tu es fait pour réussir, pas forcément gagner un million, mais si tu es fait pour réussir, pour t'en sortir, pour retrouver l'amour de ta vie, de toute façon, c'est le destin. C'est sortir de ta misère. C'est pas comme s'il y avait des raisons extérieures que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Voilà, ça se repose sur autre chose. Alors qu'en plus, dans le roman... Là encore, on voit que ça n'a rien à voir avec la vision de Vikas Swarup. Dans le roman, tu l'as dit tout à l'heure, Ram, quand même, il travaille. Tout ce qu'il fait, je veux dire, acquérir des connaissances, c'est quand même du travail, travailler sa mémoire. Il va payer, même si au début, il va entourlouper des touristes, à chaque fois qu'il gagne de l'argent, il le réinvestit dans un nouveau tour touristique pour apprendre. En fait, il fait son éducation. Et oui, derrière, mais il y a une travaille. Part de chance. Oui, mais il y a une part de chance aussi. C'est aussi un peu écrit dans le livre. C'est-à-dire que, comme de par hasard, il tombe sur des questions auxquelles il a la réponse. Enfin, il y a quand même. Je trouve qu'on joue avec le. On joue avec la notion, pour moi, de chance et de destin dans le roman. C'est différent parce qu'il y a moins la misère très appuyée du film. Mais il y a quand même une côté. Enfin, c'est les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux. Enfin, normalement, il est. Il y a une question pour moi de... Ouais, il a sa pièce. Il a sa pièce aussi dans le bouquin. Il a sa pièce, il a oui. La question de la chance aussi avec la pièce. Mais pas du tout, puisqu'elle est truquée. Oui, mais sa pièce, on sait pas. Bah non. Le principe même, justement, du retournement de situation de la fin du bouquin, c'est de montrer que la chance elle n'existe pas. Oui. Non, mais la chance n'existe pas. À chaque fois, tout le long du livre, on te fait croire qu'à un moment donné, il fait reposer ses choix sur une pièce, alors qu'en fait, il a déjà fait son choix. Et la dernière question, quand il l'a réussi, on sait aussi que c'est lui qui a choisi cette réponse. À chaque fois, quand il en veut une, il dit « je mets celle-là sur la réponse B », et il sait que ça va être face, puisque sa pièce, elle est truquée. C'est tout le principe de la fin du roman, c'est de dire que la chance n'existe pas. Et je m'appuie aussi sur les réflexions de d'autres auteurs et autrices de publications. C'est que quand même, c'est normal, on est en train de raconter une histoire. Évidemment qu'il est obligé d'aller jusqu'au bout, c'est le principe quand même du roman. Là-dessus, je suis pas d'accord. Je trouve que vraiment, tu pars de base de ce personnage qui n'a rien. J'aime pas l'idée de faire reposer ça sur la destinée. Je trouve que vraiment, c'est enlever le fait que dans le roman, Ram travaille pour arriver à la fin, à cette question finale. Bien sûr que ça se joue au gré de ses rencontres, c'est le principe. Parce que normalement, de base, je veux dire, même quand tu joues au jeu, ça dépend de ta culture, ça dépend de ce que t'as appris. En fait, ce que j'aime pas, c'est aussi que, logiquement, tu remets pas en cause quelqu'un qui arrive, par exemple, au million, quand il joue à Qui veut des gamins des millions. Tu vas te dire, ok, il est allé à l'école, oh, il est instruit, oh, il aime bien ça. En gros, la bonne culture. Alors que là, on est sur quelqu'un où on va te dire « Oh, il arrive, mais du coup, c'est vraiment la chance et la destinée. » Parce que bon, sa culture, c'est quand même d'avoir croisé machin dans une rue, d'avoir croisé ça à tel moment. Franchement, même symboliquement, je... Je suis pas d'accord, parce que là, je repense du coup à une scène du livre, la scène où il fait l'appel à un ami et il appelle un professeur d'anglais qu'il avait croisé dans sa vie. Et le professeur d'anglais, il connaît pas la réponse. C'est sur une pièce de Shakespeare. Et il lui dit « Écoute, je sais pas, je pense que ça se joue entre tel truc et tel truc. » Moi, je dirais ça, mais en vrai, je suis pas sûre. Et Ram, bah, il va lui faire confiance et il va répondre ça. Et donc, alors qu'il savait pas non plus, il était pas sans... il savait pas. Et il y a quand même une part de chance. Enfin, il y a une part de... tu dois choisir entre deux choix. Tu sais pas, t'en choisis un, t'as 50-50% de chance de gagner. Enfin, tu vois. Non, mais d'accord, je dis pas que toutes ces réponses ne sont pas forcément... certaines ne sont pas liées à la chance. C'est de faire reposer le fait qu'il sort de son système et qu'il sort de sa condition... sur la destinée ou la chance. Alors qu'il a quand même travaillé pour ça, et ça, tu le vois pas dans le film. Ouais, on pour te le côté montre compte, pas son quoi. Mérite. C'est le, pour le film, ouais, le côté bah... feel good, enfin, c'est le côté feel good, c'est le côté c'est un conte. Mais je pense que c'est aussi parce que Danny Boyle, il repose son film autour d'une histoire d'amour qui commence dès le début du film et qui s'arrête pas. Alors que quand tu lis le bouquin... Bah déjà, il n'y a pas d'histoire d'amour, elle arrive au avant-dernier chapitre. Et en fait, tout le livre, il repose sur la survie de Ram dans son pays, à comment est-ce qu'il va s'en sortir, comment est-ce qu'il va faire pour ne pas finir mutilé, ce genre de choses. Alors que Danny Boyle, il repose tout sur la destinée, c'est-à-dire l'histoire d'amour entre Jamal pardon, et Latika. Et pour lui, c'est ça la destinée, c'est que son personnage... ils finissent avec la meuf qu'il veut choper et qu'il aime depuis qu'il est tout petit. Oui, c'est une histoire d'amour. En fait, t'as exactement raison, Mélanie. Pour moi, en fait, le film est une histoire d'amour. Oui. Alors que le livre est plutôt un récit initiatique, plutôt. Ah, mais donc, ça, en c'est fait, sûr. Quand il dit destin... Attends, Julie. En fait, quand il dit destin, moi, je pense que c'est pas le destin dans le sens... Ah, c'était son destin de gagner c'est à le destin, l'amour gravé dans les étoiles. C'est les star-crossed lovers. C'est genre... c'est ça, c'était son destin... de retrouver Latika, qui se marie, qu'ils aient beaucoup d'enfants, qu'ils soient heureux et qui dansent sur le quai d'une gare. Ouais, c'est plus ils étaient dans faits ça, pour se destin. Retrouver, être ensemble. Ouais. Voilà. Ouais. Peu importe les circonstances. Et en fait, c'est juste que qui veut gagner des millions, c'est un moyen d'accéder à ce destin. On a quand même l'écran titre, c'est pas comment il a retrouvé sa meuf, hein, c'est comment il va obtenir la dernière question à 20 millions de roupies, c'est le destin. Après, je suis d'accord que tout repose sur une pseudo-histoire d'amour. Pour moi, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire obsessionnelle, mais ça, on y viendra après. Mais Danny Boyle l'a dit, ça c'est clair, en soi, son intérêt à lui dans le film, c'était pas parler de la misère, c'était pas parler de l'Inde ni tout ça, c'était vraiment de parler d'une histoire dite d'amour. Et il y a qu'à le voir, J-Ho, c'est You're My Destiny, et plein de fois dans le film, Jamal va répéter, c'était Elle est mon destin. Il y a une scène coupée, d'ailleurs que je trouve très cringe, qui a été retirée, et où Salim dit à Jamal, « Tain, mais pourquoi t'en as autant après Latika ?» Et Jamal répond, « Elle est mon destin. » Alors, on pourra en discuter de pourquoi elle est son destin, parce que les gars se sont croisés maximum 10 minutes dans leur vie. Oui, mais c'est, oui, en mais fait, le, en c'est gagnant... pas le jeu qui est important, et puis c'est pas le, encore une fois, voilà. C'est pas le fait de devenir millionnaire qui est important. C'est pas ça, en fait, l'histoire. Non, mais je sais, mais... Le film est quand même dans une histoire de symbolique où tout le monde te le dit, comment tu passes du pauvre au grand riche. On est sur la symbolique de comment tu sors de ta condition. Et dans les propositions, c'est ton destin, c'est ta chance. Voilà. Moi, ça me pose problème parce que je trouve que derrière, quand même, la symbolique, c'est que sortir de ta condition, sans être millionnaire, mais juste sortir de ta condition ou sortir du bidonville, ça repose voilà, sur de la chance, sur de la destinée et pas sur des implications... Autre que, moi ce que je vois dans le roman, c'est par l'intelligence, notamment le fait que Ram en fait berne les gens avec sa pièce qui est truquée, par le fait de travailler, d'apprendre, de s'éduquer, parce que c'est ce qu'il fait dans le roman, ou par le fait qu'il renverse le système. Tout à la fin, quand il est en face à face avec Prem Kumar, il y a un renversement du système. On a Prem Kumar qui jusqu'ici domine et a le pouvoir sur lui, et Ram va sortir son arme. On comprend qu'il est là pour une histoire de vengeance, mais du coup, il renverse le système. D'un seul coup, c'est lui qui a le pouvoir. Il y a l'histoire de Prem qui lui dit « Bah écoute, je vais te donner la bonne réponse. » Et par rapport au film, il lui donne en effet la bonne réponse. Et on sent qu'il y a une métaphore de renversement du système. Et il va suivre ce truc, et c'est ça qui va le faire gagner. Enfin voilà, écoutez, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a quelque chose là-dedans qui m'embête. Ok. Pour la partie enfance, du coup, si je voudrais juste revenir quand même parce que c'est important, quand on parlait du porno de la misère, faut comprendre que derrière, ça a aussi favorisé le fameux slum tourism, donc le fait que les gens aillent volontairement et payent pour visiter les bidonvilles. C'est une blague ? Une attraction, bah non, pas du tout, comme une véritable attraction touristique. Mais c'est l'horreur. Bah bien sûr. Mais c'est affreux de faire ça, mais même moi en plus, en vrai, en voyant le film, j'ai pas du tout envie d'aller voir. Enfin, dans ce cas, tu vas à Calais aussi, je sais pas. Enfin, c'est ouf. C'est immonde de faire ça. J'arrive même pas à le croire, tiens. Ah si, si. Moi, je suis allée voir des commentaires TripAdvisor. Et le succès du film a donné des idées aux tour opérateurs. Désormais, la visite du bidonville fait partie des excursions proposées, bien sûr par petits groupes et sans appareil photo pour éviter trop de voyeurisme. Et ces touristes sont prêts à payer 5 euros les 2 heures de marche. On ne le fait pas dans le sens voyeur. On veut simplement en prendre conscience. Et je pense que ne pas aller les voir, ce n'est pas juste non plus. donc du coup... Si, je vous assure, c'est collector. J'ai envie de mourir. Et alors du coup, à votre avis, depuis la sortie de Slumdog Millionnaire, de combien de pourcents le tourisme de la pauvreté a-t-il augmenté dans le bidonville de Dharavi? Réponse A, 10%. Réponse B, 15%. Réponse C, 20%. Ou réponse D, 25%. 25%. Je dirais 25% aussi. Eh bien, vous avez raison. Effectivement, du coup, le tourisme de la pauvreté a augmenté de 25% avec la sortie de Slumdog Millionnaire. Ça représente à peu près 15 000 touristes par an pour un chiffre d'affaires annuel de 280 000 euros. Donc il y a bel et bien des gens qui vont, qui payent. Non mais c'est fort, je vous assure, je suis allée voir sur TripAdvisor, c'est fou, tu payes des tours. On te fait, alors tu peux avoir celui avec le repas dans la famille, celui où tu vas voir aussi un peu le circuit du film pour retrouver les lieux de tournage. Voilà, enfin c'est un business. Bah après, si ça peut profiter aux locaux pour le coup, s'ils peuvent retirer un peu de thunes de tout ça, tant mieux pour eux, mais c'est très voyeuriste, enfin... D'accord. C'est comme si tu disais, allez viens, je vais te faire le parcours Paris, on va commencer par la Seine-Saint-Denis et le périph' Porte de la Chapelle. Enfin, c'est spécial. Bah, attends, j'ai une anecdote, il y a quelques années, je suis allée en Égypte Et on avait une journée où on nous proposait une petite excursion, genre dans un jardin botanique. Et après, ils nous ont dit, bah, venez, on va visiter un village nubien et on pourra rentrer chez les gens. Et en fait, bah, on a visité le village et après, ils nous ont dit, allez-y, rentrez dans la maison pour voir et tout ça. J'ai jamais été aussi mal à l'aise de toute ma vie. Et en plus, enfin, notre guide nous disait, non, mais ils sont contents, ça leur fait de l'argent et tout ça, c'est bien. Et on est rentré dans la maison. Et en fait, je me suis rendu compte que la maison, c'était vraiment une espèce de boutique déguisée. Genre, t'avais un grand frigo avec du coca, de l'eau, enfin, plein de boissons. T'avais un espèce de petit stand où ils vendaient des bracelets et tout ça. Mais je me suis sentie tellement mal. On va aborder l'adolescence. Et j'aimerais que maintenant, on fasse un petit focus sur Latika, pour le coup. Et qu'est-ce que vous pensez du personnage de Latika, et notamment vis-à-vis des personnages dans le roman, des personnages féminins? Bah, moi, je trouve qu'en fait, c'est... Enfin, je trouve que la relation qu'elle développe avec Jamal au fil du film, je la trouve quand même assez mignonne. C'est-à-dire que de base, quand ils se rencontrent, quand ils sont tout enfants, ils vont se retrouver tout le temps collés l'un à l'autre. Donc, outre le fait que la rencontre est un peu chelou, parce que tu comprends pas trop d'où ça sort, mais ensuite, t'as une histoire un peu mignonne entre Jamal et elle, où au début, quand ils sont enfants, ils jouent ensemble, ils se soutiennent, c'est un peu mignon. Mais après, elle va avoir un destin vraiment tragique et elle est jamais décisionnaire, en fait. À aucun moment, elle n'est décisionnaire de ce qu'elle veut. Tu comprends pas son destin à elle. T'as pas de vision de comment elle en est arrivée là. T'as pas de vision de qu'est-ce qui lui est arrivé exactement. C'est chelou. Il y a un truc qui est sous-exploité dans son destin vers la fin. Bah, on comprend un petit peu parce qu'en fait, après que Salim et Jamal, il est délivré du bordel, t'as Salim qui commence justement à faire des affaires avec le fameux mafieux, avec Javed. Et en fait, vu qu'il a gardé Latika avec lui, bah en fait, Latika devient automatiquement, entre guillemets, la femme du mafieux, quoi. Ah, mais pourquoi elle, tu vois? Surtout qu'en plus, on comprend que Salim la viole, donc ouais. Il l'a même pas revendue pour, encore une fois, sa virginité ou un truc comme ça. Et du coup, pourquoi le mafieux s'intéresse à elle? Parce que pourquoi faire plusieurs personnages féminins? Enfin, désolée, je vais être encore à contre Danny Boyle, mais pardon, on a un roman qui a des tonnes de héroïnes fortes dedans, qui ont toutes des caractères, des histoires, etc. Et là, t'as un film où vraiment, on nous a fait le personnage le plus fade qui existe au monde, et surtout, qui pour moi représente l'orientalisme. Alors je sais, vous allez encore me dire, elle exagère, mais honnêtement... Elle est vraiment dépeinte selon une vision orientaliste. C'est-à-dire que quand il y a eu l'orientalisme, l'idée c'était d'avoir sa femme ou sa maîtresse exotique, qui est surtout soumise, silencieuse et sexuelle. Et en fait, Latika, elle regroupe ces trois caractéristiques. C'est un des personnages qui parle le moins dans tout le film. C'est un personnage qui n'est jamais sans un homme. C'est un personnage qui est soumis, qui va tout subir, être emmené à chaque fois. Alors oui, c'est lié aux circonstances, mais c'est un personnage qui est extrêmement soumis et surtout qui n'est vu qu'à travers son caractère sexuel. Pas quand elle est petite, encore heureux, et encore, elle se fait attraper par Maman. L'idée, c'est bien aussi d'en faire une esclave sexuelle. On la retrouve, elle est prostituée. Ensuite, c'est la maîtresse de Javed. Bon, il n'y a que Jamal, bon, elle est violée par Salim, il n'y a que Jamal qui ne la voit pas sous un prisme sexuel, mais sous un prisme quand même de possession, puisque c'est son obsession. Il la veut, quoi qu'il arrive. Je veux bien que des petits-enfants soient amis, que ce soit un petit crush d'enfance et tout, mais à un moment donné, ça tourne à l'obsession. Salim, where is Latika? Still, she's gone, brother. Long gone. Why can't you let it alone? You want money? I'll give you money. Girls? I can get you girls. You know what I want. You're like some crazy man. You're obsessed. She's my destiny, Celine. You know what your destiny is, crazy boy? A bullet's void between the eyes. Get it into your thick head, Jim. She's not yours. She never will. Enfin, je veux dire, son obsession à lui, c'est elle. Il fait que de courir après elle, alors qu'il se il se passe pas grand chose entre eux. Oui, mais c'est un conte. Oui, mais je m'en fiche que ce soit un conte. En fait, je veux dire, à un moment donné, les personnages féminins, on en attend un petit peu plus autre chose que d'être la princesse Peach qui est retenue par Bowser et t'as Mario qui est. Elle est où la Tika. Enfin, voilà. Oui, mais c'est... il l'a rencontrée juste après que sa mère ait été tuée, justement, par les hindous. Et en fait, t'as l'impression que vu qu'il vient de vivre un truc absolument atroce. La Tika, elle, tu sens qu'elle est aussi orpheline, qu'elle est complètement paumée, qu'elle sait pas où aller. Ça, je suis d'accord. Ils vont s'appuyer l'un sur l'autre. Ouais, en fait, vu que Jamal vient de vivre un événement absolument atroce, bah, la Tika, ça représente peut-être une bouffée, je sais pas, un petit peu d'espoir, ce genre de choses. Il sait qu'elle, elle a souffert aussi. Donc, il s'accroche un petit peu à elle parce qu'il vient de vivre un truc traumatisant. Mais ça, je suis d'accord quand ils sont petits. Une fois qu'ils sont séparés, t'es pas obligé d'en faire ton objectif de vie. Ouais, bah c'est parce qu'il y a la culpabilité aussi, parce qu'il a réussi à s'enfuir avec Salim. Ouais. Et Salim a repoussé la Tika, donc il n'a pas pu monter dans le train avec eux. Et du coup, Jamal, ça l'a hanté. Ça a été un événement traumatisant de son enfance. Bah, et normal, du coup, c'est pour ça qu'il voulait la retrouver pour la sauver. Mm-hmm. Parce qu'en plus, il se sent coupable que son frère l'ait empêché de monter à bord du train. Donc, c'est une obsession. Mais je suis d'accord. C'est pas qu'une obsession romantique pour moi, en plus, dans le film. C'est-à-dire que, bien sûr, il est amoureux, mais c'est pas ça. C'est aussi, oui, il veut la sauver parce qu'il veut réparer le tort qu'il s'imagine, du coup, lui avoir causé involontairement en étant enfant. Mm-hmm. Je suis d'accord. Mais dans la structure du film, on est d'accord que la Tika n'a pas plus d'ampleur que d'être une princesse à sauver. Oui, bah, c'est sûr qu'à chaque fois, elle appartient à quelqu'un. Et quand elle essaye de se sauver elle-même, malheureusement, elle n'y arrive pas. Elle a toujours besoin d'aide. Mais ça, après, je pense que plus le fait d'avoir mal écrit un personnage féminin, je pense que c'est surtout... En fait, ça va, encore une fois, avec la vision globale de l'Inde et de l'Inde musulmane, hein, puisqu'on n'oublie pas que Topaz, il représente quand même une certaine frange de la population d'Animol, selon lui, ses propres visions. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'elle est forcément toujours à la merci de quelqu'un, qu'elle n'est pas sa propre personne, qu'elle est soumise, qu'elle doit être sauvée. Donc ça va avec plutôt une vision néocolonialiste que plus un problème de personnage féminin. Enfin, ça va avec sa vision à lui, mm-hmm. Mais pour moi, c'est pas... Enfin, voilà. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres femmes dans le livre, hein, mais, dans le film, pardon, mais... Mais même dans la façon d'être filmée, pour moi, il y a vraiment un male gaze dans la façon de la filmer. Mon invité s'appelle Iris Bray. Elle est spécialiste de la représentation du genre et des sexualités à l'écran. Elle est aussi critique de séries et de cinéma. Et elle enseigne à l'Université de Californie à Paris. Ouais. Une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que c'est le male gaze? Qu'est-ce que ça signifie d'abord? Donc, male masculin, gaze regard. Enfin, en tout cas, c'est traduit comme regard masculin. C'est un concept qui est théorisé par Laura Mulvey en 1975. C'est-à-dire que dans la plupart des films que vous voyez, on signifie qu'on prend du plaisir quand quelqu'un regarde à travers le trou de la serrure, par exemple, ou se cache pour regarder. Ça, c'est toute une grammaire érotique qui existe, de regarder quelqu'un à son insu et que cette personne ne sait pas qu'elle est regardée. C'est comme ça qu'on apprend à éprouver du plaisir. Donc il y a la scopophilie, le plaisir voyeuriste, et puis il y a aussi le regard qui objectifie le corps féminin, et ça passe par une grammaire cinématographique qui, par exemple, est le gros plan sur les seins. Alors, pas petite, encore une fois, encore heureux, mais à partir du moment où elle est adolescente, le premier moment où on la revoit, c'est avec Ringa Ringa. D'ailleurs, Ringa Ringa est une chanson qui parle de viol. J'ai trouvé un peu dommage que ce ne soit pas traduite, les chansons sur le film, parce que ça apporte de la compréhension, je trouve, aux scènes. Et les premières images qu'on voit d'elle, en fait, on la voit toujours à son insu. Et notamment quand elle est adolescente et qu'elle danse en tant que courtisane, t'as un premier gros plan où la caméra est à hauteur de sa jupe, donc t'as l'impression que tu regardes presque légèrement en dessous. Après, t'as un gros plan, c'est sur ses seins. Après, t'as un gros plan, c'est sur ses pieds avec les bracelets de grelots qui sont donc celles des courtisanes. Jusque-là, tu ne vois jamais son visage. Ensuite, tu la vois à travers le trou de la serrure par l'œil de Jamal, puis par l'œil de Salim qui te dit en plus « Ah, elle est sexy, nanana ». Et tout le long du film, c'est comme ça. En fait, elle est toujours vue à son insu, via une fenêtre, via un barreau, etc. Bah non, et pas quand elle est adulte et qu'elle est mariée, justement. Elle n'est pas sexualisée en étant mariée, tu vois, qu'au contraire... Je ne te dis pas qu'elle est sexualisée, je te dis qu'elle est vue à travers un mélisme. Bah si, quand on la retrouve adulte, au départ, c'est via l'œil de Jamal, à travers les grilles, quand il a vu Salim rentrer dans oui. La maison et qu'elle est sur un balcon. Après, ils échangent, encore heureux, on passe pas notre temps à la regarder à travers un trou de serrure. Je pense pas que ce soit de la sexualisation à ce moment-là quand on la voit en tant qu'adolescente et qu'elle danse. Je pense qu'en fait, c'est aussi pour te faire comprendre ce qui l'attend, ce qu'on veut en faire. Ouais. On n'a pas besoin, on est en train de traverser tout. Non mais attends, on est en train de traverser tout le bordel. Tu vas pas me dire que t'as pas compris qu'elle était Ouais, mais justement, c'est horrible. Enfin, pour moi, c'est justement pour montrer que là, elle est en train d'être littéralement entraînée. Mais tu peux le quoi, filmer enfin... autrement. Tu peux ne pas la filmer en faisant des gros plans, des gros plans sur ses seins et sous sa jupe, bah, sur déjà... Alors, une ado qui est en train de danser. Pour le coup, d'habitude, je suis assez... Enfin, je suis assez pointilleuse sur ce genre de truc. Après, là, pour moi, le côté les mouvements de la jupe, c'était plutôt pour montrer sa tenue et puis les mouvements. Enfin, c'était... Pour le coup, j'avais pas l'impression que c'était... Enfin, on voit pas tant sa peau ou des trucs comme ça, tu vois. C'est pas... Pour moi, c'était plutôt pour montrer le côté, ouais, la danse. Et comme dit Mélanie, d'induire un peu ce qui est en train de l'attendre, même si on s'en doute, puisqu'ils sont... On sait où ils sont. Mais pour moi, et puis c'est pour montrer aussi le décalage entre cette toute petite fille qui n'a que 12-13 ans et le côté, ce qu'on est en train de lui faire et ce pourquoi on est en train de l'entraîner, quoi. C'est pour créer un décalage. Et après, je trouve que ça va aussi avec... Tu peux très bien filmer une scène de danse où tu la vois pleine et entière en train d'apprendre... Non, parce qu'après, on n'a pas parlé du style de Danny Boyle en termes de réalisation, mais il y a un style très saccadé, très image triquetée, succession d'images, et je pense que c'est juste pour l'effet de style. Pour le coup, ils n'auraient pas pu montrer juste une scène de danse en entier, parce qu'en fait, ça ne va pas avec la réalisation de Danny Boyle. Il fait des trucs, justement, très rythmés, triquetés, où genre, t'as les garçons qui courent dans le bordel, et en même temps, t'as ces petits plans où t'imagines la jupe qui vole, quoi. Mais pour moi, c'est plus un effet de réalisation qu'autre chose. Enfin, par rapport à sa réalisation à Danny Boyle. Encore une fois, je trouve que tu peux choisir d'autres images. Si tu veux faire un effet cuté, tu peux faire un effet cuté en prenant de loin, tu peux faire en regardant du dessus pour voir le volant qui vole. T'es pas obligé de choisir des images qui, pour moi, incarnent le male gaze. En fait, pour moi, le male gaze, c'est aussi quand on valide, enfin, pas qu'on valide, mais quelque part qu'on est d'accord avec la sexualisation d'une femme ou d'une adolescente. Mmh. Là, le film n'est pas d'accord avec la sexualisation de la Tika. À un âge aussi jeune en plus, tu vois, je veux dire, pour moi, il n'y a pas un côté. Ils veulent pas volontairement la montrer sexy. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Mais tu peux faire. Enfin, je veux dire, quand on étudie le male gaze au cinéma, c'est pas forcément intentionnel. C'est parce que tu as tes biais et que tu es habitué à montrer les femmes d'une certaine façon. Encore plus ici, une femme indienne, parce que on considère parce que il y a cet ancrage qui fait que on considère que les femmes indiennes exotiques sont vues à travers forcément leur sexualité, et là du coup ils décident de prendre le fait que elle est prostituée, c'est peut-être inconscient, mais en attendant c'est filmé d'une certaine façon. Mais c'est aussi, je pense, une volonté de dénoncer ça plus que de sexualiser, pour moi. Ouais, le spectacle de la prostitution des mineurs, quoi. Enfin... Mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Je suis pas en train de dire que Danny Boyle ne veut pas montrer quelque chose. Je dis juste que, d'abord, il a décidé de montrer ça parmi toutes les histoires qui pouvaient exister dans le roman de Swaroop, et de le montrer d'une certaine façon. Écoutez, let's agree to disagree. Ouais. Je voudrais revenir sur le passage du Taj Mahal, parce que c'est un chapitre qui a été complètement, relativement éludé. Enfin, disons que c'est un chapitre qui est important normalement dans le roman, puisqu'on va rencontrer deux personnages très importants que sont Nita et Shankar. Pour info, dans un des premiers scripts, leur nom apparaissait en personnage même pas secondaire, c'était genre carrément tertiaire, et qui servait à rien. Donc finalement, heureusement qu'ils les ont enlevés, parce que ça enlevait toute l'importance de ces personnages-là. Et je trouve que là aussi, on voit à quel point Simon Beaufoy et Danny Boyle, en fait, n'ont pas compris le roman de Vikas Swaroop, parce que on est au Taj Mahal, et on sait que le Taj Mahal, c'est une symbolique très forte. C'est la représentation de l'amour et de la mort, puisque c'est un mausolée érigé pour une épouse adorée qui est décédée. Et dans le roman, justement, on aborde l'amour et la mort, à la fois avec le personnage de Nita, dont d'ailleurs son corps est comparé au Taj Mahal quand il y a la première relation entre Ram et Nita, où il dit que ses seins sont comme des dômes qui s'érigent du Taj Mahal, etc. Subtil. Et toute l'histoire de Shankar qui incarne effectivement la mort. Donc c'est un passage qui est extrêmement poétique, avec énormément de symbolique, et c'est aussi le chapitre où Ram travaille, s'éduque par lui-même, il va réussir à faire son petit pécule, et c'est normalement le chapitre qui lui permet d'avoir la question qui lui permet de gagner à la base le jeu, jusqu'à ce que les producteurs changent la question à la dernière minute. Donc normalement c'est le chapitre où il y a tout. Et dans le film, c'est réduit à juste, on va arnaquer les étrangers, et on va pas essayer de s'instruire, de devenir nous-mêmes des espèces de pseudo-petits guides. Non, non, c'est vraiment, on est juste là pour arnaquer. Mmh. Et tous les touristes sont vraiment en mode, oh là là, on est si naïfs. Oh tiens, un peu de la vraie Amérique, mon fils, un petit billet. Genre, on règle tout par l'argent. Et je me suis dit, waouh, ce passage-là, c'est vraiment la quintessence de à quel point le roman n'a pas été compris, je trouve. Ouais, moi, cette scène, elle m'a vraiment dérangée dans le film, pour le coup, parce que j'ai beaucoup aimé dans le roman le fait qu'au début, ils disent un peu de la merde parce qu'ils ne retiennent pas bien les trucs des guides. Et ensuite, à force, il connaît par cœur et même il devient une célébrité, c'est-à-dire qu'il est même recommandé dans les guides à la fin de Jamal, parce qu'il est un peu... c'est un peu le guide à avoir quand tu vas visiter le Taj Mahal. Et du coup, c'est hyper chouette. Et là, le fait, moi, ce qui m'a vraiment choqué, enfin non, il y a le côté de l'arnaque, mais aussi le fait du vol des chaussures. Je me suis dit, mais ça, c'est totalement gratuit. C'est vraiment pour dire les Indiens sont des voleurs, en fait. Enfin, j'ai pas du tout aimé ce truc-là. Et surtout que si Jamal, en plus, est censé être d'origine musulmane, parce que le Taj Mahal est un monument musulman où t'enlèves tes chaussures aussi à l'entrée. Donc ça veut dire qu'il respecte même pas sa propre religion et sa propre culture, il vole les chaussures des gens. Enfin, exactement, ouais. Ça n'a pas de sens là pour le coup, j'ai pas du tout aimé ce passage. Et surtout dans ce passage dans le bouquin, pour moi le chapitre du Taj Mahal, c'est aussi le passage à l'âge adulte où effectivement eh bien, il va commencer, de toute façon il travaillait déjà avant, mais là il va avoir un métier en plus qu'il aime, il va chercher à s'améliorer sans cesse, il va louer une petite chambre, il va s'occuper du petit Shankar et tout ça auquel il est super attaché, il va avoir ses premières relations sexuelles, alors que dans le film, c'est encore un gamin, c'est encore un ado de 12-13 ans, et t'as pas ce glissement vers l'âge adulte, et au final, on comprend pas très bien ces étapes de vie dans le film. Contrairement au livre, en fait, dans le livre, tu as toujours des choses qui le font grandir sans cesse. Et pour moi, ce chapitre-là, c'est vraiment le chapitre déterminant parce que c'est là où tout bascule. Et c'est là où tu comprends pourquoi est-ce qu'il va participer à... qui va gagner un milliard. Et d'ailleurs, dans le livre, tu sais pourquoi il devient guide aussi, parce qu'il sait parler anglais. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il arrive à devenir guide. Dans le film, comment il apprend à parler anglais? On ne sait pas. Ah, on sait pas, dans le livre, c'est parce qu'il a été élevé par un prêtre d'origine qui britannique, était anglais, ouais. Voilà, et donc qui lui a appris à parler anglais. Mais dans le film, puisqu'il vient des bidonvilles et puisqu'il a été élevé par une mère musulmane dans un bidonville, pourquoi il parlerait anglais? C'est vraiment, enfin ouais, moi c'est ça qui m'a vraiment dérangé, ouais. C'est le côté, tous les Indiens sont des voleurs parce que de toute façon ils sont pauvres. Donc, ouais. je dis pas que personne n'est voleur, hein. Et puis d'ailleurs, il y a aussi des riches qui sont un peu kleptomanes aussi. Oui. Mais par contre, là, le fait que ce soit vraiment un comportement généralisé dans le film, plus le fait qu'il y a, encore une fois, la plupart des personnages, à part Latika et Jamal, tous les personnages du film sont corrompus et mauvais. Tous. Ouais. Donc, ça donne vraiment une image hyper négative de l'Inde, quoi. Alors que Salim, dans le roman... il est adorable, c'est un trop petit garçon qui n'a pas eu de chance et tout ça, qui a galéré dans la vie. Et ils ont une tellement belle relation dans le roman, tous les deux, ils sont adorables. Mmh. Du coup, pour la partie adulte, il n'y a plus grand-chose à en dire, si ce n'est sur la toute fin. Alerte incohérence, en fait, d'un seul coup, j'y ai réfléchi au moment où on est sur la question finale. Mais c'est que, en fait, ce jeu TV n'a jamais été diffusé en direct. Mais en fait, c'est impossible que Latika puisse répondre au téléphone et que tout le monde arrive à suivre que c'est elle qui répond, etc. Je dis parce que normalement, c'est un jeu TV qui n'est jamais diffusé en direct. Au mieux, en Angleterre, c'était diffusé avec 24 heures de décalage pour éviter justement la triche, que les gens puissent suivre, voir la question et que si tu appelles tu fais ton appel à un ami, ton joker, la personne ne puisse pas t'aider. Donc d'un seul coup, je vois le film et je fais « Mais toute cette fin n'a aucune logique !» Ouais, après, oui, mais c'est de la fiction, c'est un film. Là, pour le coup, j'accepte. Moi, j'accepte. Tu peux changer les règles de qui veut gagner des millions pour le film, moi, ça me va. Non, mais bien sûr que c'est un détail, mais sur le coup, je me suis dit, mais attendez, quand même. Ouais, oui. Et ils ont réussi aussi à se tromper dans le film, sur une des questions, ils ont mis une réponse et elle est fausse. Et du coup, les gens ont porté plainte. C'est la question sur la chanson du poète Sourdas. C'est ça, ouais. C'est ça. En fait, c'était quand il pose la question sur le poète et tout ça, et le souvenir, c'est par rapport aux enfants mutilés qui aveugle, je crois. Et en fait, la chanson dont il parle dans le film, c'est pas une chanson qui a été écrite par le poète Sourdas. C'est une chanson qui vient du film Narsi Bhagat, qui est sorti en 1957 et qui a été écrite par Gopal Singh Népali. Donc ils ont raconté n'importe quoi et après les enfants de ce monsieur ont porté plainte justement en disant bah non, c'est notre père qui écrit cette chanson, bah c'est oui. pas poète Sourdas quoi, donc rendez-lui son crédit. Ça se comprend. C'est ça. Pour arriver sur la toute fin, bon, happy ending, ils ont réussi, voilà. On va donc arriver à notre moment favori, qui est la chorégraphie finale. alors, j'aimerais revenir sur justement cette fin, avec ma toute dernière petite question de Jean-Pierre. Le clip musical J-Ho, qui est présenté au générique de fin, eh bien ce n'est pas celui qui était prévu initialement. Selon vous, quelle était la version d'origine ? Réponse A. Latika embrassait pudiquement Jamal sur la joue dans la plus pure tradition du cinéma indien et non pas sur la bouche. Réponse B. La chorégraphie était plus technique mais Dev Patel n'avait pas le niveau nécessaire. Réponse C. Shah Rukh Khan devait faire un caméo mais il a refusé au dernier moment. Ou réponse D. Le clip ne devait pas se passer sur un quai de gare mais dans la cour du Taj Mahal, sauf que le trop grand nombre de touristes et de curieux ont rendu impossible le tournage. Vas-y, moi je dis réponse D. J'hésite entre la B et la D. Ouais, je pense qu'aussi ça n'avait pas dansé. Je suis d'accord. L'une ou l'autre. T'as l'idée, c'est ça ? Mais j'imagine trop les producteurs se disent « Vas-y, on va faire le truc, c'est sur devant le Taj Mahal et tout, ça va être ouf !» Mais qu'en fait, ils n'ont pas pu. J'sais ok, pas. Bon. Bah, tu sais quoi, je vais dire B. On verra. Eh bien, vous n'avez pas la bonne réponse. Me dis pas que c'est Shah Rukh. Pas du tout. Mais du coup, j'apprécie que mes réponses aient paru crédibles. Non, en fait, tout bêtement, c'est que c'est la réponse A. C'est-à-dire qu'à la base, Simon Beaufoy voulait faire quelque chose qui se rapproche un peu plus du cinéma indien, c'est-à-dire pas faire un bisou sur la bouche, mais un bisou pudique sur la joue, qu'ils se mettent à danser et que du coup, ce soit la fin du film. Sauf qu'en fait, quand ils ont fait les premières représentations du film dans des salles, des premiers essais, le public a détesté cette fin en disant « Quoi ? On les a suivis pendant toute une histoire d'amour et on n'a même pas de vrai baiser final. Et puis c'est quoi cette chorégraphie ? Nous, on n'aime pas ça. C'est un peu kitsch. Ça ne nous plaît pas du tout. » Et donc, du coup, ils ont été obligés de refaire la scène en leur demandant de s'embrasser sur la bouche pour que ça corresponde au public. Et surtout, au lieu de faire en sorte qu'il y ait directement cette chorégraphie et que ça se termine, qu'il y ait le baiser, le générique et qu'ensuite... le clip apparaisse dans le générique, l'air de dire « Ah, ça va, vous avez le droit de quitter la salle maintenant, c'est juste un clip musical, de toute façon, ça vous intéresse pas. » Et j'ai trouvé ça triste, parce que, encore une fois, bon, bah, ça veut dire que tu suis le public majoritaire et qui va regarder, mais j'ai trouvé ça triste, parce que pour une fois qu'ils voulaient faire un hommage au cinéma indien dedans, bah, ils ont été obligés de faire machine arrière. Et d'ailleurs, bon, après... c'est une tentative d'hommage, mais soyons honnêtes. Cette mise en scène n'a rien à voir des codes du cinéma indien, ni dans la façon dont c'est filmé, ni dans la choré. Enfin, il y a des moments où ils dansent. J'ai cru qu'on était dans Danse avec les stars. Ils font des petits moments, des petits pas de cha-cha et des pas de tango. Je me suis dit, pourquoi vous faites du tango sur le quai ? C'est... Non, mais ils savent pas danser, on est d'accord là-dessus. Non, mais j'ai vu le truc, j'ai soupiré, je me suis dit, mais c'est pas possible, non. En fait, t'as l'impression que Danny Boyle, il s'est dit, ah, je fais un film qui se passe en Inde. En Inde, dans leur film, eh ben, ils passent leur temps à chanter et à danser. Eh ben, je vais faire un petit hommage et je vais faire pareil dans mon film aussi, ça va être super. Eh ben non. Bah après, moi qui n'y connais rien, c'est vrai que je pense qu'en fait, cette scène aussi, elle apporte une... respiration aussi après tous les événements qui ont été vécus. Et effectivement, c'est adapté à un public occidental, mais et donc ça bouscule pas la vision de qui que ce soit sur le cinéma ou quoi. Enfin, c'est très du coup occidental, mais j'aime bien quand même cette scène. Ça m'apporte une respiration. Tu vois les enfants danser, tu dis ah ouf, c'est bon, ils se sont retrouvés. Je sais, hein, c'est je comprends que vous, ça vous choque, Mais c'est vrai que après le roller coaster que ce film te fait vivre par moment, c'est vrai que la petite Corée, même si la danse elle est assez limitée sur le quai de la gare avec la petite musique qui va bien, tu reprends ton souffle un petit peu quoi. Mais c'est surtout que c'est un choix qui est un peu superficiel pour quelqu'un qui connaît le cinéma indien, parce que en fait le principe de quand un film, parce que les films indiens adorent les histoires interdites, compliquées, ou quand finalement les héros triomphent, tout le monde est content. Mais le principe d'une chanson finale, comme ça dans un film indien, c'est que normalement le public choisi n'est pas au hasard. Normalement, c'est généralement les familles ou la communauté des héros qui sont présents. Et cette danse finale parle du coup de tolérance dans la communauté et aussi montre le triomphe des héros. Et donc, ça fait une leçon aux familles, en fait, des héros qui sont là et qui assistent et qui, du coup, participent. Et par extension, ça renvoie au public qui regarde l'air de dire « Vous aussi, vous pouvez, en tant que famille, accepter ce triomphe, en fait, des héros. » Sauf que là, quand tu regardes le film, ça se contente juste de Jamal et Latika. Alors, vous me direz, parce qu'ils ont personne, mais ils ont même pas leur communauté du slum, tu vois, parce qu'elle est vraiment invisible, cette communauté. C'est des gens random qui sont sur ce quai, donc on est sur une victoire qui est ultra individualiste et pas du tout tournée vers la communauté. Ah bah oui, t'as pas la dimension de la communauté, de toute façon, comme c'est le cas dans le roman, où à chaque fois il peut compter soit sur ses employeurs, soit sur la communauté des Chol où elle vit. Ça aurait été, enfin moi j'aurais, si il y avait eu genre, la communauté du bidonville du début, je me serais dit mais quel rapport, enfin les mecs ça fait 2 heures que tu les as pas vus, enfin... C'est pas faux. Oui, oui, bien sûr, mais voilà, c'est là où on voit encore une grande différence normalement de vision, et c'est pour ça que quand tu le vois, tu te dis, bon, ok, mais non seulement c'est pas très bien réalisé comme chorégraphie, mais en plus, bon, ça a pas même l'esprit, non, même mais oui, un minimum d'esprit, quoi. Ça sert sur les clichés des films indiens. Ouais, et c'est vraiment relégué dans le générique en mode, bon, c'est bon, au pire, tu peux quitter la salle. Et je trouve que les enfants qui dansent, ils sont trop mignons. En vrai. Ah oui, ouais, les deux... c'est mais vrai, est-ce que les enfants sont pas trop choux, ils sont trop mignons, les deux gamins, enfin... Donc, ils sont choupis. En plus, ils jouent bien, je trouve, les gamins. Ouais, ils sont. Et bien, justement, Mélanie, on va pouvoir peut-être écouter une musique et attaquer très vite les tops et les flops pour conclure cet épisode. C'est parti. Alors Mélanie, vu que tu as l'air d'être partie sur tes petits tops, vas-y, je t'en prie, dis-nous tout ce qui t'a plu dans Slumdog Millionnaire. Bah, pas grand-chose, mais... non, en vrai, on en a un petit peu parlé en off toutes les deux avant que ça commence, mais si j'oublie le livre et mes connaissances sur le cinéma indien, ça me fait mal de dire ça. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais, mais je trouve qu'en fait, le film, ça passe. Je l'ai trouvé assez distrayant. C'est pas un flop monumental et tout ça. J'ai bien dit si j'oublie toutes mes connaissances sur la culture indienne et le livre. Hein. Mon copain, il a regardé avec moi, il a bien aimé, tout ça. Mais en soi, le film est loin d'être mauvais. C'est un bon divertissement. Ensuite, je trouve que effectivement, bah, les gamins sont très très choux et qu'ils jouent très bien. D'ailleurs, ils jouent beaucoup mieux que les Nepo Kids du film The Archies dont on a parlé il y a 2 semaines. Et vraiment, ils ont été bien castés, ils sont très choupis. Le reste du casting, ça va. En fait, j'ai pas été convaincue par les versions adultes des acteurs. Vraiment, Dev Patel, il essaye de se forcer, de se forger un faux accent indien, c'est un ridicule. Et, ah non, mince, je suis encore dans les tops. Oui, j'allais dire, non, reste sur les points positifs. T'es pas obligée d'en inventer. Voilà. En fait, je sais pas trop quoi dire d'autre comme viens top. Viens au secours de Mélanie. Moi, en top, je trouve le rythme. Je trouve que quand même le film est bien rythmé. Il dure 2 heures. Il y a pas trop de moments où tu t'ennuies. Enfin, t'as quand même beaucoup de péripéties. Donc c'est plutôt bien rythmé. Bon, moi, l'histoire, malgré tous les trucs qui vont pas, etc. Moi, j'avoue que j'ai pas détesté ce film non plus. Ça m'a fait tiquer à plusieurs moments, notamment du coup en comparaison au roman que je venais de lire. Je me suis dit qu'il y avait niveau représentation, rien ne va. Mais malgré ça, je suis désolée, c'est hyper offensant, mais moi j'étais prise dans leur histoire d'amour et j'avais envie qu'ils s'en tirent à deux. Et j'avais envie qu'ils gagnent ces millions et qu'ils partent ensemble vers le soleil couchant. Je comprends, donc voilà, je trouve que voilà, le film est bien rythmé. T'as envie qu'ils s'en sortent tous les deux. Les méchants sont très méchants, donc c'est pas des, enfin non, mais c'est pas des antagonistes en carton, quoi. Tu te dis pas ouais bon bah c'est bon, il va s'en sortir. Mais voilà, moi j'ai trouvé qu'effectivement, je suis d'accord avec Mélanie. Je trouve que ce film est divertissant. Je trouve qu'il est bien rythmé. Je me suis pas ennuyée. Après, je vais pas le revoir tous les 4 matins, hein, clairement. Ouais, faut pas déconner. Hein. Mais ouais. Si tu le prends en tant que film et que tu oublies tous les préjugés, tous les stéréotypes que ça véhicule à plusieurs égards, je trouve que ça passe. C'est un conte, ouais. Quoi. C'est un conte de fées, ouais. C'est un conte de fées. Mais je suis d'accord, c'est vraiment, faut oublier tout le reste, tout ce que t'as appris, il faut vraiment le prendre. Ouais, mais c'est beaucoup quand même. Alors, et c'est tout. Je vais vous rejoindre, hein. Honnêtement, c'est pas très difficile de le regarder, ça se regarde bien, ça va vite, ça rebondit tellement que tu peux pas t'ennuyer. Moi, dans mes points forts, je vais quand même mettre la musique, parce que c'est toujours le point qui me parle le plus, et donc évidemment que j'adore la bande son de ce film que je réécoute depuis des mois en boucle, c'est terrible, à l'aide. Mais voilà, honnêtement, ça se regarde bien, avec moins de traumatisme qu'à l'époque, c'est bon, je pense que je suis passée au-dessus. Mais donc je vous rejoins, effectivement c'est divertissant, le casting enfant est vraiment excellent, je les trouve vraiment très très bien, et puis ça fait plaisir d'entendre de l'indy un peu. C'est quand même fou de se dire, si je fais une amnésie, c'est bon, je peux le regarder. De se dire, voilà, c'est vraiment si j'occulte mes connaissances de la culture indienne et le livre. Mais tu te dis, c'est quand même beaucoup de prérequis pour apprécier. Mm-hmm. Enfin, je trouve que c'est un peu... Ben oui. Un peu lourd. Donc voilà, pardon, excusez-moi, je vous laisse la main sur ce qui vous irrite le plus. Effectivement, pour moi, Danny Boyle et son scénariste n'ont rien compris au livre, n'ont pas compris les vrais messages de Vikas Swarup. Pour moi, Vikas Swarup, à travers son roman... Déjà, il veut te montrer une Inde qui est multiculturelle, notamment au travers des religions, et effacer les prénoms du personnage principal. Déjà, si tu fais ça, c'est que vraiment, t'as rien compris à ce que Swarup il veut t'expliquer dans son bouquin. Ensuite, c'est vrai que le livre, bah, il dénonce beaucoup de choses, les violences faites aux femmes, aux enfants, les difficultés de la vie, et aussi bah, le fait qu'il y ait quand même un petit peu une mauvaise influence de l'Occident. Enfin, notamment le chapitre où Ram il vit chez des Australiens qui sont hyper condescendants avec la société indienne et les Indiens en général. Ça, évidemment, ça a été totalement occulté dans le film. Le fait qu'on a aussi une certaine dénonciation du système capitaliste à travers le jeu télévisé qui est complètement truqué, ça a été occulté complètement aussi. L'addiction au jeu aussi, au pari, avec le personnage qui fait des paris tout le temps. Oui, c'est vrai, oui, exactement. Et en fait, voilà, il y a plein de messages qui sont quand même assez forts. Pareil, tout ça s'est passé sous silence. En fait, j'ai l'impression que Danny Boyle, il a juste pris quelques anecdotes du bouquin pour s'en servir pour son récit, mais je sais pas comment dire, il a enlevé tout l'enrichissement que ces anecdotes-là, elles apportaient au récit. Et bah, c'est n'importe quoi. Et du coup, j'étais très énervée tout le long du film. Je sais que c'est très paradoxal parce que j'ai dit que d'un côté, c'était bien, enfin, qu'il y avait un bon rythme et que ça se laissait regarder. Mais d'un autre côté, j'ai passé mon temps à grogner, à être énervée. Et il y avait mon copain à côté de moi qui me disait « Mais pourquoi t'es énervée ? Gna gna gna. » Moi, je disais « Mais t'as rien compris, c'est parce que t'as pas lu le livre !» Mais voilà, après bah, Dev Patel, je dis pas que c'est un mauvais acteur, mais vraiment encore une fois son espèce de faux accent indien alors que tu sens que le gars c'est un pur british, c'était son premier rôle au cinéma. Oui, bah c'est pas une raison. Puis je sais pas, franchement ils sont bien mignons avec la Tika, mais voilà quoi, le fait que tout repose sur l'histoire d'amour alors qu'en fait, le propos du bouquin, c'est pas du tout ça. Enfin, je suis obligée de façon de faire des comparaisons entre le bouquin et le livre. De toute façon, c'est obligé, mais... Non, après, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as aimé la relation entre Ram et Nita dans le livre ? Ouais, ça m'a moins dérangée. Et fait, le truc, c'est que Vikas Swarup, il t'amène ça avec tellement d'ironie, parce qu'en fait, il fait beaucoup de références au cinéma indien. Et je sais pas si tu te souviens, au début du chapitre où il rencontre Nita, t'as Ram qui se dit « Oh là là, ça se trouve, ça va être comme dans les films Bollywood, je vais la rencontrer et puis je vais la sauver, ça va être le portrait typique de la prostituée au grand cœur et tout. » Et en fait, c'est exactement ça qui se passe après dans le reste du chapitre. Oui, j'ai bien aimé leur relation. Après, c'est vrai que ça va assez vite. T'as pas trop le temps de voir la relation qui se construit, mais tu le comprends à travers les pensées de Ram. Mais oui, c'est vrai. Voilà. Victoire. Moi, je dirais un des défauts du film, enfin un des flops pour moi, c'est la réalisation par moment. C'est-à-dire que je trouvais que ce côté très saccadé, des moments, ça me donnait mal à la tête. Ça me faisait un peu penser à Baz Luhrmann, dans le sens où des fois, ça va trop vite. Et en fait, un film, j'aime bien aussi pour voir ce qui se passe. Et pas seulement que ça me fasse un effet stroboscopique et que j'ai une migraine en regardant le film. Donc ça, déjà, un peu saoulant. Et sinon, en autre flop, je dirais ouais, le côté où j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de moments positifs. Je trouve que ce film, c'est quand même un film plein de négativité. Donc la fin, ça t'apporte... Moi, la fin, du coup, ça m'apporte énormément de soulagement. Et c'est pour ça aussi que j'aime cette fin. Parce qu'en fait, ça m'apporte vraiment d'un coup une élévation et un peu de bonheur par rapport à tout ce qui se passe avant. Parce que je trouve que ce film est très négatif à beaucoup d'endroits. Donc c'est paradoxal parce que j'ai dit que j'ai bien aimé. Mais voilà, pour moi, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus le côté... esprit de communauté ou les rassemblements autour de la nourriture ou de l'entraide telle que t'en as dans le livre ou je sais pas, moi des fois ils parlaient de bouffe dans le bouquin et je crois que ça faisait envie, ça avait l'air super bon ce qu'ils mangeaient. Mais enfin c'est marqué que c'est un feel good movie, je comprends pas. Bah, c'est parce que, pour moi c'est parce que c'est la fin, c'est d'un coup, enfin pour moi la scène de la fin je la trouve vraiment super, le moment où ils gagnent, où d'un coup t'as les confettis, t'as vraiment, enfin je sais pas, moi j'ai vraiment mon cœur qui était en mode oui, enfin j'étais contente, mais c'est vrai que tu passes tellement par des états de mal avant que du coup peut-être que c'est le contraste qui fait que c'est aussi feel good à la fin. Donc ouais, je dirais ça. Et puis après bon bah je vais pas répéter ce qu'on a dit, mais voilà, tous les soucis de représentation, mais voilà, j'aurais aimé que t'aies une au moins quelques scènes un peu plus positives, tu vois, des moments moins un peu de joie qui ne soient pas liés au fait de courir pieds nus dans les bidonvilles ou de voler des chaussures au marché noir, quoi. Enfin, en fait, la comédie, c'est ça, quoi, dans le film. C'est vraiment les moments trop marrants, on a arnaqué les touristes, on a volé leurs choses. Voilà. Je suis d'accord, ouais. Et okay. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas dit aussi, mais de toute façon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vrai que le traitement du personnage de Salim, c'est insupportable, et puis la vision très occidentalisée de cette Inde pleine de misère, oh là là, c'est très misérabiliste. Ouais. Alors que même si tu vois la misère dans le livre de Vikas Swarup, tu le disais au début du podcast, Victoire, il y a quand même un certain humour, une certaine ironie qui fait que ça vient contrebalancer toute cette tristesse, toute cette misère et que Bah et puis surtout que là, on dirait que en Inde, t'as deux situations. Soit tu vis dans un bidonville, soit tu vis dans un manoir avec une grille. Et tu es mafieux. C'est tout ou rien. C'est soit t'es vraiment pieds nus dans la fange, soit t'es dans un manoir en marbre. Enfin, oui, mais effectivement, y a autre chose. Un manoir, effectivement, que t'as par de l'argent sale. En fait, tu vois pas du tout la société dans son entièreté. Tu vois un bout de la société, et puis basta, quoi. T'as pas les gens moyens, quoi. La classe moyenne, enfin, tout ça, ça n'existe pas. Bah, du coup, moi, je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit. Globalement, je pense que... Je dirais que, pour moi, l'œuvre de Vikas Swarup, c'était une œuvre ultra engagée. Et en fait, Slumdog Millionaire, pour moi, c'est une œuvre qui est désengagée. Il n'y a aucune prise de position sur rien. Il n'y a aucun propos politique, aucune envie de montrer un aspect thématique, aucun du livre, vraiment. Pour moi, c'est vraiment le plus politiquement correct possible, en se concentrant sur ce qu'il y a de plus basique, à savoir faire une romance qui, moi, ne me convainc pas en plus. Extrêmement déçue de me dire que tous les personnages féminins qui sont forts dans le livre et qui ont de l'intérêt en fait disparaissent au profit... Il n'y a pas tant de personnages féminins dans le livre non plus, hein, toute proportion gardée, enfin, à part l'actrice Gudiya et Nita. Non, il y a aussi celle qui essaye de sortir sa sœur de... Ah oui. Via son mariage et qui travaille. Ouais. Alors là, elle est là tout le long, on la redécouvre un peu après. Mais oui, c'est pareil. Mais en vrai, disparaît. Elles ont quand même beaucoup plus d'ampleur, bien plus présentes et elles ont des prénoms, elles ont des histoires, elles ont des choses à dire, elles sont là pour dire quelque chose. Et là, dans le film, ça disparaît au profit du truc le plus classique qui soit dans un personnage que, voilà, moi, je trouve orientalisé. Après, c'est un peu... d'orientalisme, et puis basta. C'est un peu typique du cinéma de Danny Boyle, parce qu'il me semble que c'est lui qui a réalisé Yesterday, non ? C'est un film dans lequel un mec, sans faire exprès, crée une faille temporelle où en fait il arrive dans un monde où les Beatles n'ont jamais existé. Ah, et, du coup, il va reprendre les chansons des Beatles et du coup, il va devenir hyper connu parce qu'en fait, personne ne les connaît. Et pareil, dans ce film-là, tu as un personnage féminin, c'est le personnage qui est joué par, comment elle s'appelle, Lily James. Et voilà, et pareil, elle est juste la meilleure copine slash lead romantique. Et voilà, et ça, j'ai l'impression que c'est plus... Enfin, c'est pas lié au fait que là, le film se passe en Inde. Je pense que là, c'est juste par rapport au cinéma de Danny Boyle, de manière générale. Il sait pas écrire les femmes. Enfin... Comme beaucoup de réalisateurs masculins. Ah oui, de toute façon, c'est un problème d'écriture. Donc, ça incombe à Boyle et à Beaufoy. Bref, du coup, je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets. Très brièvement, s'il fallait donner une note sur 20, quelle note donneriez-vous? Peut-être 12-13 12-13 sur 20, voilà, ça se regarde. C'est un film dans lequel il y a des enjeux et que tu comprends quand même assez facilement. Tu as quand même envie que le personnage s'en sorte. Tu comprends ce à quoi il fait face. C'est quand même, moi, j'aime bien quand même le côté de l'histoire avec qui veut gagner des millions. Je trouve que ça rythme le récit, même si du coup les questions sont pas les mêmes. Je trouve qu'en termes de structure, ça fonctionne bien. Et voilà. Ok, Mélanie ? Je suis assez d'accord avec toi, ça se regarde, mais je suis obligée d'être plus sévère que toi. Moi, ça vaut pas plus de 10 pour moi, et encore, même peut-être même 9, parce que c'est... En vrai, ce qui m'embête vraiment, je sais qu'il faudrait essayer de juger que le film en soi, mais encore une fois, je peux pas m'empêcher de faire de la comparaison avec plein d'autres trucs, et vraiment, ça m'a tellement saoulée que l'esprit du livre, l'essence même du bouquin ne soit pas respecté, et que même d'une manière plus globale, l'Inde ne soit pas respectée. Donc, je sais pas pourquoi tu dis qu'il faudrait juger que le film en soi. Enfin, je veux dire, il a chopé l'Oscar du meilleur scénario adapté. Alors, donc, Oui, c'est vrai. Mais déjà, pour moi, enfin, si j'oublie le livre ou même le cinéma indien, quand je prends Slumdog Millionaire, pour moi, ce film ne vaut pas 8 Oscars. Je dis pas que c'est le pire film de la Terre et qu'il est ultra mauvais, mais de là à lui filer 8 Oscars, c'est beaucoup. Non, mais je pense que c'est un film qui a conforté ce que les gens voulaient voir de l'Inde, surtout. Et que c'est pour ça qu'il a remporté ses Oscars, parce que ça les conforte dans l'idée que oui, c'est bien ce qu'on veut voir, c'est l'Inde qui est pauvre, qui est miséreuse. Ah, c'est pas chez nous, c'est là-bas. Puis voilà, ça s'inscrivait dans un contexte historique dont j'ai parlé au début. Et puis voilà, et puis ça a tout raflé, parce que ça marchait bien, parce qu'en face, t'avais Benjamin Button, donc bof, pas trop. Et puis voilà, quoi, c'est... Du coup, en note, ouais, je vais te rejoindre, hein, franchement, je pense que ça va partir sur un 9-10, parce qu'en soi, ça se regarde bien, mais franchement, il y a trop de trucs qui crispent quand tu le regardes. Hein. Tu vois, je pensais que tu serais plus sévère. Je pensais que tu mettrais genre 5. Ah, non, parce que j'ai vraiment vu des choses vraiment problématiques qui valent vraiment des notes très très basses. Et c'est pas parce que tu critiques beaucoup que tu peux pas reconnaître que bien quand sûr. Même... C'est, oui. Voilà, j'ai beaucoup de critiques à en faire. Très honnêtement, je trouve qu'il y a plein de choses qui vont pas, mais en soi, on... Bon, voilà. Par contre, le bouquin, c'est un bouquin que je pourrais relire avec plaisir, et ça a vraiment été un gros gros coup de cœur. Et vraiment, si vous l'avez pas lu, mais lisez-le, c'est extraordinaire. Moi, j'ai adoré. Oui, même si on a dit plein de choses dessus, en soi, je pense que c'est un livre difficile à vraiment spoiler. Donc, il y aura quand même la surprise de le lire. Mm-hmm. Tout à fait. Et bah écoutez, voilà, on arrive sur la fin. Victoire, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Surtout sur Instagram, sur Adapte-moi si tu peux, en un seul mot. Voilà, si jamais vos auditeurs et auditrices ont aussi lu... le livre et qu'ils veulent nous en parler, ils peuvent venir en MP. J'adore débattre avec les gens par message, donc surtout n'hésitez pas. Ah ouais, et nous aussi. Et Mélanie, nous, où est-ce qu'on peut nous retrouver ? Eh ben, on peut se retrouver aussi sur Instagram à BV-du-bas. Non, c'est pas ça. Non, Bollywood-du-bas versus, pardon. Sur X à BV-du-bas podcast. Et sinon, on a une adresse mail, c'est bollywoodversus@gmail.com. Mais écoutez, merci à vous deux pour ce débat, parfois un peu enflammé, je m'en excuse. Mais non, mais en tout cas, merci, ça fait partie du charme. C'était très intéressant d'avoir tous les points de vue, et on est surtout très intéressés par le point de vue de d'autres personnes, de savoir ce que vous en avez pensé à l'époque, aujourd'hui, est-ce que ça vous donne envie de découvrir le livre. Enfin, vous le savez, comme d'habitude, on adore échanger avec vous, donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis, bah, écoutez, nous, on se retrouve dans 15 jours, comme d'habitude, sur voilà. quelque chose de... Et surtout, de... voilà, n'hésitez pas à aller écouter le podcast de Victoire, hein, qui est très intéressant. Puis moi, gros cœur sur l'épisode de 4 filles un jean avec les filles de Rome. Ah bah oui, toute mon enfance. La vie. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et merci, puis à une prochaine, peut-être. Et puis à dans 15 jours pour nous. À bye. Bientôt.